Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se mettre sur notre 31, écrire des lettres de 4 pages remplies de niaiseries plus connes les unes que les autres et se tartiner de miel de haut en bas parce qu'on va parler comédie romantique et qu'à la fin, on va se rendre compte que c'était la fille timide du fond de la classe qui était la personne parfaite pour nous. Bienvenue dans l'intérieur nu, épisode 12. Générique. Ah là, du coup, normalement, il y a le générique. Le moteur! J'aimerais juste laisser le moment où il n'y a pas le générique. Bah, ce serait marrant, parce que ouais, bah, écoutez, finalement, il n'y a pas de générique dans cet épisode parce que le logiciel que j'utilisais n'a pas été mis à jour encore. Il y a une mise à jour. Voilà. Le crack, il n'a pas fait la mise à jour. Voilà, donc, il n'y a pas de générique. Mais par contre, il y a le petit jazz. Et allez. Ça, on va se le mettre. Come on, little jazz. Voilà. Le petit jazz à trompette. Petit jazz qui va nous accompagner pendant qu'on parle d'intérieur nu, de comédie romantique. Est-ce que Tanguy, tu peux rappeler? Oui, bah putain, non, j'avais oublié. Moi, j'attendais, hein. T'as oublié qu'on n'a pas dit qui y avait en fait. J'ai oublié qu'on devait présenter les invités à la base. Et ouais. Alors, notre premier invité que Théophile a spoilé. Il s'appelle Tanguy. Il zoome, il dézoome et il panote comme personne de par sa formation technique de qualité, ce qui lui a permis de rencontrer l'amour de sa vie, un joli trépied Manfrotto 290 dual en acier. Merci d'accueillir Tanguy. C'est tout à fait moi. C'est exactement ce qui me caractérise. J'ai mal aux mains. Incroyable. J'ai applaudi trop fort. Très peu sportif. Il a des courbatures dès qu'il applaudit. T'as peut-être pensé à se mettre un peu. Non, mais du coup, le point de côté, là, j'avoue, j'ai arrêté parce que. Wouh! Pardon, je m'y arrête. Alors, bah, Tanguy, est-ce que tu peux te présenter de manière plus complète que ça? Du coup, non, c'était plutôt complet. Là, je suis actuellement assis sur un canapé. Comment mieux me décrire c'est vrai. Que mon instant présent, ma personne. Voilà, je suis face à vous deux, c'est hyper impressionnant, j'ai l'impression d'être au tribunal. Est-ce que le canapé est confort? Le canapé est très confortable. Parce que c'est Conforama. Oh. Carrément. C'est notre sponsor. Comme pour la cet Ligue 1. Épisode. Faux. C'est faux. C'est faux. C'est un placement de produit totalement gratuit. Je chie sur les marques. En fait, c'est Ikea d'ailleurs. Et hop. Je sais pas. Je sais même ni pas. Ni Conforama. C'est Fly et on. Alinea. Habitat. C'est un mec qui Aubert. Construit si ça se trouve. Ça se trouve. Et là, Aubert. On lui rend pas au ouais. J'avoue en fait, ça se trouve, c'est un vrai menuisier. Altigiani de la Qualeda. La suite. Ouais, alors notre deuxième invité est non seulement un rouage essentiel de l'émission grâce à ses crans bien huilés, mais qui plus est le gendre idéal selon un panel de gens, incluant moi et moi seul uniquement. On applaudit bien fort Louis. Bonsoir. Bravo Louis. Waouh. Et là qui est hyper content puisque les claquements font saturer le son. Et exactement. Le travail de post-prod va être insupportable. Aïe. Bonsoir à tous. Alors Louis, présente-toi de manière succincte mais plus complète que ce que j'ai fait. Succincte, passionné de musique, ingé son studio, assistant de studio, ingé sur intérieur nuit tous les soirs dans votre lit. Tous les soirs. Tous les soirs. En fait c'est une quotidienne mais on en jette sur 14. On en jette un max. ça veut dire qu'on assure. Ouais, mais c'est un peu le cas. Ouais, c'est vrai. Et je suis bien évidemment accompagné de mon acolyte de toujours, mon pote, mon confident, mon Saint-Michel. Je parle bien sûr de Théophile. Ah merde, c'était moi, je n'avais pas compris. J'ai adoré la blague sur mon Saint-Michel. Mon Saint-Michel, ouais, c'est... Ah, c'est... Montpellier aussi. Oh là là. Allez. On peut un panel de blagues qui s'ouvre à toi, c'est parti. Pendant 5 minutes. Mon souris. Mon quoi? Mon souris. Ah, pas mal. Mon Parnasse, voilà. Mon cul. Il n'est pas, basané, c'est Mont Blanc. Oh, c'est vrai qu'il est pas basané. C'est Mont Blanc. Mon Babtou. Au début, je voulais mon me dire ça. Mon petit soubab. Au début, je voulais dire Mont Blanc, mais comme la montagne, mais je me suis dit, on va juste entendre Mont plus loin blanc. Bah oui. C'est quelqu'un de blanc qui m'appartient. Non, mais Mont Saint-Michel, c'était parfait. Mont Saint-Michel, ouais. Ah là là, bah oui, comme par hasard, hein. Le breton d'histoire. Ah bah toujours, hein. Et, et moi, on me demande pas qui je suis. T'es qui? Mais qui? T'es qui en fait? Qu'est-ce que tu fous là? T'es qui? Sors de là. Dans l'e-sport. T'étais en retard. Bah moi, je suis éleveur de chiens aveugles, c'est-à-dire c'est comme les chiens d'aveugles, mais c'est les chiens qui sont aveugles. Et du coup, c'est ils ont besoin d'être humains pour les guider. Exactement. Ok. Ou alors des plus petits chiens. Et ils ont une gaine blanche aussi ou pas? Un chihuahua, non, genre un labrador, c'est un chien d'aveugle pour chien. C'est-à-dire que c'est un chien qui est aveugle et ils ont besoin de chiens pas aveugles. D'accord. Ok. Voilà. Oui, mais un chien plus petit pour que ce soit pratique. Parce que si par exemple un chihuahua il a un labrador comme chien d'aveugle. Ah oui, c'est sûr, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Ouais, non, mais après, voilà. Non, mais après, parler de la praticité des chiens. Après, en tant que professionnel, il y a des laisses adaptées. Mmh. Et il y a énormément de temps qu'on va pas perdre à parler de ça. Ouais, on va tout de suite enchaîner. Pour parler des comédies romantiques. Ah, oui, c'est pour ça qu'on a... Incroyable. Vu que t'as Spotify, mets-nous une petite musique... une petite romantique. Musique, petite musique romantique. Ah. Attendez, il va se passer des choses dans ce studio. musique romantique. Attends, il y a quoi comme musique romantique? Ah, il y a quoi comme panique. Qu'est-ce que... Un petit Sinatra, tu vois. Sinatra. Ah oui, un petit jazzounet. Ou un petit jazz, un petit Fly Me to the Moon. Ah oui. Exactement. Bah, c'est la première chose qui est passée, qui apparaît... Quand on tape donc parlons des comédies romantiques. Mais d'abord, parlons de Frank Sinatra. Bah, on n'entend rien déjà. D'abord, on n'entend rien, c'est vrai. Ah voilà. D'abord, Tanguy, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le concept d'Intérieur Nuit? Ah, c'est vrai que j'ai jamais fait en quatre participations. Ouais, c'est vrai que je l'ai jamais fait. Eh bien, Intérieur Nuit, c'est assez simple. On prend un genre de film, on le décortique, on en comprend les codes. Et on écrit un scénario. Allez, putain, et on n'oublie pas les blagues. Et oui, ah, oui, les blagues, pardon. Parce que je rappelle que le dernier épisode, il n'y a aucun scénario. Mais il y a des blagues, et ça si, vaut tout l'or du monde. Il y a un scénario. Il y a un scénario décousu. Décousu, mais c'est un scénario quand même. Je suis désolé, quand quand Nolan il fait Memento, c'est pas très cousu, mais c'est bien. C'est cousu à moitié, quoi. Il y a un petit trou dans la manche. Voilà, ou Dunkerque aussi. Pas très cousu, ce truc. Plus Dunkerque. Dunkerque. Bah ouais. J'adore Dunkerque. Que Memento est plus un je sais pas le mot, mais une composition de plein d'histoires. D'ailleurs, voilà. Anecdote, saviez-vous qu'en fait, Dunkerque, à la base, il a été tourné pour être monté dans l'ordre? Ah ouais? Trop fort, hein, la musique, on est d'accord. Ouais, vraiment. Et j'ai une anecdote, vous savez d'où vient le nom Dunkerque? D'une ville. De la ville. Ouais, putain. Moi, au début, je croyais vraiment que c'était... Ils avaient nommé la ville en fonction du film. Une boisson, en fait. Mais en fait, non, c'est une ville. Ouais. Ah non. Mais... Et vous savez que Dunkerque, c'est pas une comédie romantique? Non. C'est ça qui est ouais, on parle. Je sais pas pourquoi on a parlé de ça. Mais... Parce qu'on est débiles. J'essayais de vous faire une parce que l'épisode d'aujourd'hui est sur les comédies romantiques. C'est pour ça qu'on a mis cette musique qui n'a aucun rapport. Je sais pas pour qui m'a demandé de mettre cette musique, mais... Si, elle est un peu Fly Me to the Moon. C'est genre hyper romantique. Tu sais quoi? Parle un peu des comédies romantiques et cherche une vraie musique de comédie romantique. Alors, qu'est-ce que c'est que les comédies romantiques? Ben c'est très simple, c'est un film déjà au ton léger, premièrement, c'est la première base. Qui, au ton pas le poisson. Oh là là, je vais tellement te frapper. Merci, j'adore qu'on me frappe. On est à l'antenne, ça règle là, excusez-moi. Justement, oui. Ça tombe bien qu'on parle des comédies romantiques. Je veux pas te couper Antonin, mais vas-y, c'est ton tour, tu peux parler. Dit-il en coupant. Pardon, excuse-moi, Ça va être insupportable. Ça peut être très long. Et du coup, un film d'abord au ton léger, c'est la première, pour moi, la première le requirement. J'avais le mot en anglais, mais pas en français. Je suis un gros connard. C'est comme ça. Ouais, j'ai pas le mot. Ça va être long. Pour la première nécessité, voilà. Nécessité, voilà, c'était ça le mot qu'il cherchait. Le truc qui est obligé. Envoyez-le dans le chat. Bon alors, j'ai cherché sexe sur Spotify. Il y a pas grand-chose. Hein. Je suis désolé. Mais... Ah non, romantique, merde, j'ai mal interprété le mot romantique. Ça dépend des films, justement, en parlant des comédies romantiques, il faut qu'il y ait forcément un aspect romantique. Il faut qu'il y ait de l'amour. Et il faut qu'il y ait pas forcément de l'amour, mais de la relation. Une évolution. Ah, l'amour, dans une comédie romantique, il y a quand même de l'amour. On se pose surtout la question de, qu'est-ce que c'est l'amour plutôt que... Oui, bien sûr, mais ça va pas être juste l'histoire d'un plan cul. Ah, c'est sûr. Mais les plans cul, par définition, c'est pas forcément C'est une relation sans amour. A priori. Tu veux nous parler de ton vécu On est sur le... je sais pas, non mais... Pourquoi vous faites genre c'est pas normal ce que je dis? Non, mais c'est pas ça, c'est juste que... Effectivement, il n'y a pas de plan cul dans les comédies romantiques parce que... Oui, parce qu'il n'y a pas d'amour. Sinon, ce serait... Il y a un film qui s'appelle. Mais sinon, ce serait un film de. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Mais est-ce que c'est une comédie romantique? Ah, c'est nul à chier, putain! Il me semble. Ah ouais? Oui, c'est une comédie romantique. C'est complètement une comédie romantique. À la fin, ils sont amoureux et tout. Mais c'est à la fin, ils sont amoureux, voilà, c'est pas un plan cul. Pour vous dire, à la fin du film, genre pendant le film, ils regardent un film de comédie romantique, ils font c'est nier, etc. Et à la fin, ils refont exactement la même scène et ils sont en mode « Ah, on s'aime !» Voilà. Oui, par contre, littéralement, c'est... Déjà, je déteste ce film, il est vraiment mauvais. On a peut-être spoilé un peu la fin, mais bon, ça se devine. On s'en bat les couilles, évidemment, c'est un film de merde. Non, mais je suis désolé. J'ai roté tellement c'est de la merde. Failli vomir même. Oh putain. Je l'ai même pas vu. Il y a une petite bassine là-bas. Désolé pour les gens qui sont, je sais pas, qui mais du coup, la phobie de ce truc. La vraie question, c'est est-ce que déjà vous appréciez les comédies romantiques? J'adore les comédies romantiques. Non, mais alors, tu disais, pardon? Ouais, bah du coup, enfin, en plus du ton léger et de l'aspect relationnel des choses, pas forcément de l'amour-amour, mais il y a une évolution de relation entre personnages qui arrive ou pas à une relation amoureuse. Parce que oui, il y en a qui finissent mal, mais parce que tu te rends compte que c'était trop vite, etc. Ouais. Genre 500 jours ensemble, par exemple. Je déteste. Bah, j'ai spoilé un petit peu, désolé. Je vais sans doute bipper le titre. J'adore pour le coup. Énormément de jours où nous sommes tous les deux. Non, mais on s'en fout de spoiler. Enfin, c'est pas un film. Mais de toute façon, 500 jours ensemble, ça commence où le personnage te dit cette histoire finit mal. Ouais. Oui. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que c'est l'exemple typique du film où ça finit pas toujours bien. Les comédies romantiques, c'est juste ça explore la relation amoureuse. Mais à côté de ça, 500 jours ensemble, c'est un peu pas un ovni, mais c'est justement il prend le contre-pied. Oui, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Mais c'est le principe du film. C'est ça. C'est pour ça que tu le détestes d'ailleurs, parce que t'adores les codes. Parce que moi j'aime bien quand c'est bien codifié et que à la fin c'est une fin heureuse quoi. Sinon, d'ailleurs, à ta porte. Non, mais chez toi, en vrai, il y a pas de clé. En vrai, je ne déteste pas. C'est juste code tous les jours. J'étais en train de parler en même temps que vous et du coup je ne les ai pas entendus. Moi on m'a demandé de faire des blagues. Donc il faut j'en faire délivre. Des blagues, il faut se forcer. J'en délivre. Non, 500 jours ensemble, ouais, ouais, pourquoi pas. Non mais voilà, tu m'as convaincu. C'est l'argument est irréfutable. Le critique ciné sur Allociné. Ah, pourquoi pas. Ce film, bon, ça, bon franchement, pourquoi pas, 5 étoiles, ça se voit. À voir. Pas forcément à voir, mais vous avez. Si ça tombe sous vos yeux, si vous, si vous avez envie, regardez-le. Voilà. Ouais, voilà. Après, il y a pas 36 000 trucs sur la comédie romantique. Ça prend plein de formes différentes. Bah ouais. Bah, c'est-à-dire que moi, je prends un peu la parole. Voilà. Bah, les comédies romantiques que je kiffe bien, c'est plus les trucs. Alors moi, j'appelle ça des comédies romantiques. Je sais pas si c'est vraiment des comédies romantiques. Non, mais... 2012 n'est pas une comédie romantique. Ah bon? Ah merde, bon bah je sais pas. Non mais genre des vraies comédies qui ont un aspect romantique, genre Yes Man, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais j'allais plutôt partir sur juste des trucs vraiment genre Marie à tout prix, 40 ans toujours puceau. Mmh. Ah, 40 ans toujours puceau, ouais. Des trucs comme ça, moi ça me fait mourir. Mais moi je trouve pas que c'est une comédie romantique, c'est plus une comédie qui Bah pour moi en fait, c'est pour moi c'est une comédie romantique. Après sinon, t'as les Steve Carell en fait. Steve Carell dans n'importe quel film. Steve Carell dans n'importe quel. Mais il a fait énormément de comédies romantiques. Mais oui. Steve Carell dans n'importe quel film, moi j'adore. Même si le film est pourri, j'adore. Genre t'as Crazy Stupid Love avec Ryan Gosling où c'est l'histoire. Je sais plus. C'est l'histoire d'un gars qui. Enfin c'est Ryan Gosling, le tombeur qui prend Steve Carell, le sandwich au thon et au beurre, le vieux qui galère un peu, c'est nul à chier. Qui le genre le quarantenaire qui galère un peu, qui et il le prend sous son aile et il le coach afin qu'il baise un max. Et yes, bah un peu comme dans 40 heures. Et t'as okay. Ouais, non, 40 ans toujours plus tôt, c'est. Non, 40 ans toujours plus tôt, c'est vraiment un autre délire où c'est. Il n'y a pas le délire de coach. Ouais, non, si, fin, quand même un peu. Il n'y a pas le délire de finalement le mec qui pécho ta fille ou ta. Je sais plus quoi. Ouais, c'est vrai. Je sais plus l'histoire, mais. Je me rappelle plus très bien, bref. Mais après, en même temps, les comédies romantiques, c'est un faux genre. C'est-à-dire que c'est tellement vaste que tu peux mettre tous les autres genres dans les. Enfin. Un romantique, ça peut être un western, ça peut être un je sais pas trop. Pour c'est un western comédie romantique. Je pense que c'est plus une façon de faire un film, ouais. Plus qu'un genre vraiment. Oui, on est d'accord. Non, mais est-ce qu'un genre c'est pas une façon de faire un film? Il est bon. Non. Louis, tu disais. Non, moi, pour rejoindre votre tout le truc de western comédie romantique, moi, tu me faisais penser avec Ryan Gosling à La La Land. C'est une histoire d'amour. Sur un fond de comédie musicale en fait, donc ça fait un peu pareil. Oui, quoi. Mais c'est carrément une comédie romantique. Pour le coup, enfin. Je sais pas si on se marre de ouf quand on le regarde à La Land. Alors moi, quand il fait des claquettes. Mais comédie romantique, t'es pas obligé de rigoler beaucoup. Ah ouais. Non, mais bah non. Des comédies romantiques qui sont plutôt tristes dans l'ensemble. D'accord. Évidemment, évidemment. Mais même des films genre. C'est un abus de langage quand on dit comédie de comédie romantique. Bien sûr. Genre t'as un autre film avec Steve Carell, je sais plus comment il s'appelle, ce qui est une comédie romantique avec une actrice française, Juliette Binoche, je crois. Qui est pas terrible, qui est pas foufou. Je vais essayer de retrouver le titre. Et le film est pas du tout drôle, et c'est rare pour un film avec Steve Carell. Et il est pas très très bien d'ailleurs. Du coup, je vous parle pour donc, vous éviter que je vois. J'aime beaucoup cette émission. On mais... ne fait que conseiller des films qu'on ne trouve pas très très bien. Ouais, mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Coup de foudre à Rhode Island. Voilà. D'accord. Coup de foudre à Rhode Island avec Juliette Binoche, c'est ça. Et donc c'est une histoire d'amour, entre un père de famille et une meuf qui croise dans une librairie. Et c'est vraiment la comédie romantique classique de chez classique. Mm-hmm. Dans toute la construction et tout. Et moi j'aime bien parce qu'il y a Steve Carell. Steve Carell, il suffit que je vois sa tête pour que j'apprécie un film. Donc de toute façon c'est un peu niqué, mais voilà. Je sais plus où j'allais avec toute cette anecdote. Les parler des trucs tristes, trucs comédie romantique. Ah oui, et c'est pas du tout marrant. Ça d'ailleurs. Est-ce que c'est un spoil? Je sais pas. Bouchez-vous les oreilles, mais ça se finit pas bien. Ou bien. Et bah justement, moi, tu vois, j'ai eu des cours quand j'étais futur à la fac sur les comédies romantiques. La partie intéressante et, de l'émission. Elle arrive. En fait, la prof nous définissait ce genre un petit peu sur. Il faut qu'il y ait une happy end. Ouais. C'est-à-dire que t'as une histoire d'amour, t'as une happy end, c'est une comédie romantique. Ok, donc quand il n'y a pas de happy end, c'est pas une comédie romantique. C'est ouais, ça. Mais... C'est plus une comédie. C'est-à-dire que sinon, c'est un drame. Si ça une romance, finalement. C'est une romance. Et... Mais faut spécifier que les deux protagonistes ne sont pas sans... Enfin, ils peuvent ne pas finir ensemble à la fin du film. Par exemple, La La Land, ça se finit ultra bien. Mais ils finissent pas ensemble, spoil, mais ils finissent pas ensemble, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Ah, moi, j'aimerais bien parler d'un film justement qui rentre un peu dans cette case-là. Je crois trop. C'est dramatique. Tu veux nous parler de tes problèmes de santé? J'ai mangé des knackis ce midi, j'avais pas vu. Hein. Ça faisait longtemps. Donc il est gobe en fait. C'est bon, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé ce truc et c'est vraiment dégueulasse. Naki, il a mis la photo de Steve Carell sur son téléphone qu'il a posé sur la table. Et ben je bande. Hein. Simplement. C'était une petite blague visuelle que vous n'aurez pas. C'est le dernier Woody Allen que je suis allé voir un peu par hasard. C'est qui s'appelle Un jour de pluie à nuit. C'est ça. Un jour de pluie à nuit. Ouais. Et pendant tout le film, alors déjà, c'est l'histoire de deux fils de très riches qui sont dans une école plutôt bien et qui vont un week-end à New York pour différentes raisons. Mm-hmm. Et ils sont ensemble, etc. Et la fille est un peu niaise, etc. Et le gars, qui est joué par Timothée Chalamet, est un peu très artiste, etc. Le cliché du gars dans les films de Woody Allen. Et comment dire. Et du coup, ils y vont et pendant tout le film, j'étais en train de me dire, mais en fait, il va se passer ça et il se passait ça. Alors, c'était pas pour me la péter, mais t'as vu un film de Woody Allen, tu sais ce qui va se passer dans ce film. Ça se passe à New York, il y a des amoureux, avec une relation compliquée, les gens parlent en punchline et il pleut. Donc, ouais. Mais vraiment, c'est tous les films de Woody Allen, ça. Non, il pleut pas dans le seul que j'ai vu qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle. Hein. Oh, je te propose de pas finir ta phrase parce que tu m'énerves déjà. Ah, pardon. Mais après, en même temps, Woody Allen joue de ses codes. Dans le film, il dit plus ou moins, d'habitude je fais ça, bah je vais le refaire. Ouais, et même il y a un personnage, d'ailleurs ça m'a fait penser, un personnage de réalisateur qui dans le film dit, ouais non mon dernier film, je l'ai vraiment pas du tout aimé, etc. Mais en fait Woody Allen genre apparaît directement pour le dire quoi. Enfin bref. Mais il joue dans certains. Et films. En fait ce film, dans pas mal de films il fait des caméos. Et... Même pas des caméos, ouais, il joue parfois même le perso principal. Oui, d'accord. Bon, tu veux faire ma chronique à ma place? Bah bien sûr. Alors ouais, le film que j'ai pas vu là, donc il pleut. Ouais. Et du coup, en fait, le film pendant tout le film, tu te dis pas, ouais, c'est une comédie romantique. C'est genre ils sont en couple, mais chacun ils vivent leur aventure dans la ville, etc. Et en fait, à la fin, alors déjà pendant tout le film, je me dis putain, c'est vraiment de la merde. Je déteste ce film. Je suis sorti de la salle, je me dis mais en fait, j'ai trop passé un bon moment. C'est trop bien. Et c'est parce que la fin, te fait relativiser que l'important c'est pas la destination, c'est le chemin, tu vois. Dans les comédies romantiques, c'est souvent ça. C'est souvent, ouais. C'est pas la fin qui importe, c'est tout ce que t'as vécu pendant le truc. Mais alors, moi j'ai une question. Je tiens à dire, allez voir ce film, vous allez sans doute le détester au début. Et quand il va y avoir la scène de fin où vous y attendez dès le début, vous allez quand même être content. Après, ce qui est cool dans les films de Woody Allen en général, enfin du peu que j'en ai vu, j'en ai pas vu énormément, mais c'est les personnages qui sont très attachants. Qui sont très attachants malgré leurs défauts. Ah mais Timothée Chalamet, le personnage qu'il joue au début, j'ai envie de lui mettre des claques et tout, puis après tu te rends compte, en fait, il est sympa. Moi, par exemple, j'ai vu Whatever Works. Que j'ai beaucoup aimé avec Larry David. Pareil, Larry David, c'est je vois sa tête, je l'aime. Le film, il va refaire la vanne. C'est une histoire d'amour en fait. C'est un vieux en fait. Il est vraiment vieux qui se fait draguer par une petite jeune de même pas, enfin de 25 ans quoi. Ça c'est Steve Carell, c'est pas Larry David. Et en fait, tous les personnages sont, enfin, genre Larry David, c'est un connard, mais comme dans tous les persos qu'il joue, de toute façon, il joue un connard. Bah, il a une gueule de mec faussement gentil. Ça doit sûrement être. Regarde-moi ça. Mais je pense que Larry David est un connard. Ah ouais. Tu non, penses mais qu'il je a pense... voté républicain. Non, quand même pas. Mais... ah, écoute, c'est le showbiz, hein, tu peux pas te permettre ça. Mais je sais plus ce que je voulais dire du coup. Je sais plus ce que je voulais dire. Que tu parlais de Larry David et de son vote. Whatever Works. Et il y a ce truc où en fait, ce qui est hyper important, c'est parce que là, le film pour le coup, finit bien, mais pas comme tu l'attendais quoi. C'est-à-dire que les personnages finissent pas ensemble, mais il finit bien quand même. Ouais. Pareil pour c'est un spoil. J'avais parlé d'un film. Non mais on spoil hein, après bon. Ok voilà. Est-ce que c'est des spoils vraiment hyper. J'allais parler d'un jour de plus à New York. À la fin ils sont pas ensemble mais ça finit bien pour tout le monde. Non mais pour rebondir sur ce que tu disais Timothée, c'est que justement. Théophile, je suis désolé. C'est pas grave. C'est pareil. Excuse. C'est pas grave t'embrouilles. Il a craché son eau. Théophile a craché son nom. Waouh. Après avoir craché son venin, il crache son eau. Je me bave dessus, tout simplement. Je suis sénile à 22 ans. Il en faut. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, que justement, quand tu vas voir une comédie romantique, déjà, ne serait-ce que l'affiche te ment pas. Généralement, tu t'y vas en sachant. T'as jamais une découverte de tu t'assois dans le fauteuil du cinéma et le film commence, tu fais ah d'accord, ouais. Ok. Ah, ils sont ensemble. Ah, ils sont ensemble. Ah, ça va parler de ça. En fait, depuis le début, ils étaient amoureux. C'est ça. Et souvent, en fait, même les codes, ils sont tellement vus et connus que. Tu peux plus faire de vraies comédies romantiques. Enfin, c'est compliqué. T'es obligé d'être dans le contre-pied pour vraiment surprendre de machin, mais en même temps, la comédie romantique, c'est pas du tout ce qu'elle revendique. Ouais, c'est c'est vraiment un truc de tu vas voir ça, tu sais qu'à la fin, ça va bien se finir. Et comme tu disais, Antonin, c'est le chemin qui t'intéresse de savoir par où ils vont passer, même si régulièrement, en fait, c'est un peu toujours la même chose. Ça finit dans un aéroport. T'as la personne qui fait « Non, ne pars pas !» Mais ça va quand même coûter vachement cher, mes billets. Je vais quand même partir. Je vais faire une petite semaine de vacances, je reviens après. Ok, ça, on fait ça. Ce serait marrant. T'as toujours le mec qui paye un billet comme ça juste pour aller empêcher sa fille, sa copine de partir. Et du coup, il a payé un billet pour aller... Ça m'a rappelé ça, un film. Attends, pour aller jusqu'à l'aéroport, faut prendre le RER. C'est hyper cher les billets de tickets pour le. On les voit pas galérer. Putain, j'ai pas la monnaie, tu vois. Mon carnet Vego, elle est pas rechargée. Ah là là. Oui, donc. Ça m'a rappelé Théophile. Un film avec Jean-Paul Rouve et Gérard Depardieu, où justement c'est une comédie romantique et c'est le même truc de donc Jean-Paul Rouve il est 35-40 ans qui est un mal dans sa vie, qui arrive plus à pécho, il est célibataire depuis 3 ans et il y a Gérard Depardieu, tombeur de ces dames qui arrive et qui le prend en main Et excusez-moi, vous avez dit deux trucs qui vont pas ensemble. Depardieu et tombeur de cette dame. C'est ça. Ah non, mais attends, mais Gérard Depardieu, avant. Non, quand il était jeune, il était vraiment beau. Mais même, attends, mais il a commencé. Il a commencé. Non, mais il a commencé à se dégrader vraiment, genre, il y a quoi? Ouais, 15 ans. Non, il y a même moins. Ah non, il y a 10 ans. Il est quand même vieux. Mais gars. Quand même, déjà, Obélix. Non, mais il était pas mis en valeur non plus. Mais regarde comme il est beau là. C'est à peu près ça. Oui, bon, il est, ça va quoi. C'est 2005 ça. Ah ouais, bah 2005 c'est 14 ans. Oui, bon, alors dès 2006 il a commencé à se dégrader. Non, mais voilà. L'année d'après, à 18h10. L'année d'après c'était mort. Tu sais, il a fait la fête de fin de tournage et il a tout fait pris des rides. Oh putain, les gars. Après, bon, c'était mon dernier film. Après, je sais pas, hein, peut-être c'était le numérique. Tu sais, on fait des miracles maintenant. mais et voilà. Et c'est, en 3D. Et dedans, il y a cette histoire de le gars qui prend l'avion pour rejoindre la meuf qui pense être la meuf de sa vie, et en fait, pas du tout. Hein, cette meuf a déjà un mec. c'est vraiment. Après, dans les comédies romantiques, ça n'empêche rien. Généralement, je vais reprendre l'exemple de Un jour de plein New York, le fait que d'être en couple n'est pas un obstacle à l'amour. Ah bah c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer des buts. On est champion du monde. Ah là là, j'ai trompé 4 fois ma femme. Mais du coup, je voulais profiter d'avoir placé Larry David pour vous dire d'aller regarder d'aller regarder Curb Your Enthusiasm, la série. C'est génial. D'accord. Voilà, c'est pas du tout comédie romantique, c'est Larry David. D'accord. Le pérégrination de Larry David. En français, c'est Larry et son nombril. Et après, des fois, on se fout de la gueule des titres québécois, mais les titres français, parfois, sont vraiment. Ouais, mais ouais. Curb Your Enthusiasm, génial. Allez voir, vraiment. Ok. Puisqu'on disait que c'était pas la destination qui importait et le chemin, enfin, que c'était plutôt le chemin qui était important, on va pouvoir écrire ce chemin tout de suite. Écrire ce chemin. Bah, écoute, ce chemin. Avec grand plaisir. Quand déjà, les Louis. Clichés, déjà. Les tropes. Prot. Moi, les brottes pour les muscles. Ouais. Allô. Tanguy. Louis, quels sont les clichés? Les clichés, ça dépend ce qu'on appelle le romantisme. Oh bah là on va passer. Vous avez 4 heures. Là on va s'embarquer dans un truc. si on fait du romantisme à la mort moelle-neuve comme on l'appelle. À la mort moelle-neuve. Bah, vas-y. Cherchez ça sur Wikipédia, vous aurez la définition. Mort moelle-neuve. Non, prends le nœud et mords-le. Moi, je vais parler de ce que je connais. Il nous faut un orchestre à cordes, un truc très langoureux. Non, mais c'est vrai. Un flash mob. Un flash mob. Dans Sex Friends. Dans Sex Friends, il y a un grand flash mob à la fin. Il y a que dans Sex Friends qu'il y a ça, genre dans aucun. C'est drôle. C'est dans Sex Friends, c'est le film avec Timberlake et Mila Kunis. Justin Timberlake. Timberlake. Et je comprends vraiment Timberlake. En fait, au début, Kimberlake. Au début, ils voient un film avec un flash mob. Non, mais c'est ridicule et tout. Non, ils font un flash mob. Ils font un flash mob et dans New York, quand il vient d'arriver à New York, à Times Square, ouais. Timberlake. Et il dit ouais, c'est cool et tout. Vas-y. Et ils le disent comme ça parce qu'il vient de la campagne. Et de Los Angeles, hein, c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas la campagne de Los Angeles. C'est la campagne à Los Angeles. Je suis désolé. C'est la banlieue de LA, quoi. Et à la fin, en fait, pour lui prouver son amour, je crois que c'est Mila Kunis qui organise un. Non, c'est quand même un nom marrant. C'est Timberlake qui organise un flash mob pour Mila Kunis. Mais en fait, la scène, elle est ridicule. Tout le monde arrive pile au moment, mais il y a vraiment une millier de personnes. C'est un problème logistique incroyable pour pécho une meuf. Il aurait pu juste lui donner les écouteurs, lui faire écouter la musique. Bon, vas-y, on est amoureux, tu vois. Enfin, ouais. Et là, ils font un flash mob, c'est-à-dire 2 minutes. Insupportable en plus parce que c'était danseur pro, fallait payer et tout. Ah non, mais c'est. Ah, mais quand on est amoureux, c'est on est intermittent du spectacle. C'est. Allez, fallait faire les papiers, fallait prendre les congés spectacle. Mettre le cachet, c'est pas possible. Merde. On nous montre pas. Audience, tout ça. on note pas toutes les démarches, hein. On pourrait faire Sex Friends, mais la version longue de 2h40. Un énorme flash mob. Timberlake en train de remplir tous ces dossiers-là. Non, j'ai eu une annulation. Non, il nous en faudrait 2. Non, mais comment ça, vous n'êtes pas disponible mercredi, putain! Non, mais moi j'ai des horaires! Après, c'est trop tard, là, je ne peux plus attendre, il faut que je baise! Non, parce que pendant tout le film, ils font que baiser en fait. Ils deviennent amoureux après. Il faut que je fasse des bisous, là, j'en veux plus que de baiser. Je veux des câlins maintenant. Bref. Et du coup, comme cliché, moi j'avais que il y a toujours un truc, un obstacle à cet amour. C'est-à-dire, soit c'est un amour impossible, soit. L'un des deux est en couple déjà. L'un des deux est en couple. Mais il y a un obstacle, ouais. Tu vois. Ou l'âge. Soit c'est les parents, soit c'est. Soit ça, c'est les parents. Il y a pas mal. Les Montaigu et les Capulet. Voilà. Il y a des histoires de famille qui sont là depuis des siècles. Il y a un truc assez malsain dans certains, c'est surtout quand il y a des. Ah ouais, quand ce sont de la même famille, putain. Hyper malsain. Non mais je sais pas si vous avez remarqué cette tendance quand c'est I fuck my stepdaughter là, voilà. Celui-là je l'ai vu. She want some more. Non mais quand c'est des gays ou des lesbiennes, souvent ils ont tendance à foutre un écart d'âge incroyable pour qu'on se dise ah c'est hyper superficiel etc. Alors que pas besoin du tout. Et juste montrer une histoire d'amour gay ou bi ou des trucs comme ça, enfin ça suffit. Ils mettent des trucs, je sais plus comment ils s'appellent, Call Me By Your Name. Call Me By Your Name. Ils ont un écart de 20 ans, mais ça n'a aucun intérêt en fait, ça n'apporte rien. Non, mais alors, enfin, ouais. Je sais pas. Mais du coup, j'avais bien aimé le merci film. Merci pour cet argumentaire. Non, mais parce qu'il y a des histoires comme, qui sont sorties sur l'écrivain qui avait écrit le livre à la base, comme quoi il était un peu pédophile. Ah oui, donc c'est pour ça. Voilà. Ah, ok. Ouais. Du coup, bof. Ouais, c'est moyennement. Ouais, c'est bah écoute, mais après le film n'a pas été fait par des pédophiles. Oui. A priori, j'espère. Toute l'équipe technique. Du coup. Ouais, c'est chaud. Voilà. C'est horrible. Mais ouais, du coup, il y a un obstacle. Il y a un obstacle. Mais déjà, ce que tu soulevais, Antonin, c'est déjà un cliché. C'est-à-dire qu'une comédie romantique, t'as toujours deux personnes qui sont d'un univers différent. Que ce soit par l'âge, que ce soit par la richesse, que ce soit par la philosophie. T'as toujours vraiment une scission qui est. Ou géographiquement, t'as vraiment une scission qui est vraiment claire et nette. Et qui justement permet de hyper facilement trouver des vannes, trouver des petites situations de ah bah tiens, le mec il est pas adapté dans l'univers de la fille. Bah, toutes les comédies françaises, tout court. Ouais. Mais même toutes les comédies. On va prendre des mecs du passé, on va les mettre dans le futur. On va prendre un mec noir, on va mettre avec que des blancs, ouais. C'est ça, non, mais c'est tout. Non, ne fais pas ça, sinon voilà ce qui va se passer. Petite rêve que j'aime beaucoup. Ouais. Non, mais par contre, je reviens sur un truc que j'ai dit avant. Pour ceux qui s'intéressent aux relations incestueuses, dans la série, dans la dernière saison de Big Mouth sur Netflix, il y a une histoire d'amour entre deux cousins et c'est très marrant. Mais pas les animaux. Non. Des cousins germains. D'accord. Donc des Allemands. Non, juste des cousins. Tu vois par exemple le fils ou la fille de la sœur ou le frère de ta mère. Bah ou tu ton la père, kennes. Ouais. Bah ouais. T'as une relation avec. Ouais. Une relation. Ouais, déjà voilà. Ouais. Bah ouais. Ok. Bah. Ah oui pardon non c'est pas bien non. C'est pas ah. Putain. Ah mal. Ah bon ça non pas bien. Oupsi. Ah merde. Lapsus. Mais d'accord bah j'irai voir. Et donc voilà. Non, c'était juste la. Donc il y a toujours un obstacle parce que j'ai vraiment regardé hier. Et... Donc il y a toujours un obstacle à leur amour au départ. Voilà. Après il faut choisir dans ce film de quoi on part parce que de cet obstacle va découler tout le reste. C'est... Exactement. Bah oui. Et donc si on part sur ils ont une histoire de famille compliquée, bah déjà c'est Roméo et Juliette. Bah, c'est de la merde. C'est vraiment des histoires du 15e siècle. Ouais, de ouf. Mais est-ce qu'ils viennent pas du même endroit? Est-ce que c'est un touriste qui veut absolument rester dans cet endroit parce qu'il a trouvé la femme de sa vie? Est-ce que voilà. Ah quoi que, enfin après t'as des histoires de classe sociale genre Titanic. Ouais, complètement. Bah, après il y a aussi le fait qu'il y a le bateau qui coule qui empêche un peu. Bien sûr, évidemment il y a ce truc. Ah puis il y avait de la place sur la planche. on va pas nous la faire nous. C'était la seule chose dont on n'avait pas encore parlé que tout le monde avait parlé. Ah oui, ciné, oui. Il y a de la place sur la planche. Hein. Voilà. Je suis désolé hein. Titanic, je pense qu'on est les premiers à le soulever, hein, mais je sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Il y a un mec qui arrive, il la retourne. C'est le film Titanic, c'est le Titanic entier. Non, mais en parlant d'obstacles, hier j'ai. 100 mètres iceberg. 110 mètres, ouais. Hier, je vous conseille le 110 mètres. Ouais. Hier, j'ai eu le malheur de zapper sur ma télé, comme tel un vieux. Il zappe et de tomber sur de la télé-réalité, mais un truc, mais impossible. Ah, genre bon. Un mec, Motus. Un mec qui s'était plus ou moins tapé la meilleure amie de la meuf qui chinait. Et genre, j'étais en mode, mais ça ferait trop un bon film. Ouais. C'était Louis la Brocante. Excusez-moi, elle est à vendre. Bah, je vais me taper sa sœur. La merde. Louis la Brocante, putain. Ah, mais c'est marrant, il s'appelle Louis en plus. Ah oui, ça, c'est Mais du coup, ouais, non, pardon, je t'ai coupé. Non, mais voilà, je trouvais que ce serait... Enfin, je pense pas que ça a été déjà fait, enfin, de mémoire, dans les films que j'ai vus. Louis la Broutante. J'ai pas compris. Je rigole parce que c'est marrant. Louis la Broutante. C'est un truc de cul, genre... Ouais, mais c'est pas un vrai... Oh là là. Théophile premier degré, putain. La brouette. Louis la brouette. La brouette thaïlandaise, c'est ça? Non, juste... Non, la brouette, quoi. C'est une brouette. C'est un objet pour faire du jardinage, ouais, écoute. Savez-vous d'ailleurs que les brouettes françaises sont moins bien que les brouettes chinoises? Oui, toi aussi, tu regardes Dirty Biology. Ouais, ouais. C'est bon, ouais. Tout ça pour parler de PQ, en plus. Allez voir sa vidéo, elle est vraiment elle très est intéressante. Très bien, en plus. Ouais. Une vidéo sur pourquoi, le papier toilette. Exactement, ouais. Pourquoi, genre, en Europe... On utilise du papier toilette alors que par exemple au Japon ils utilisent des jets d'eau. Voilà. Petite digression. Et ben, dans la comédie romantique qu'on va écrire, ça va se passer au Japon et c'est un mec qui va avoir du mal à s'adapter aux toilettes. Genre c'est un vendeur. Un... Lost in Translation mais version plus. Chiotte. Accès chiotte. Accès pratique, tu vois. Ouais. J'arrive pas à manger avec ces baguettes là. Putain, vous avez pas découvert. Ah bah non, bande de mongols. Non, le mec, il est hyper raciste. Ouais. Mais j'ai envie, en fait, j'ai envie de faire les blagues qu'il pourrait faire, tu vois, les phrases, mais j'ai pas envie parce que ça serait vraiment trop, quoi. Comme le mec dans le dernier épisode, hyper raciste et vegan, anti-vegan. J'adore faire ce genre de blagues au second. Ce serait hyper drôle, un personnage comme ça. Mais pas dans une comédie romantique, c'est un peu compliqué parce que faut. Mais il est détestable et à la fin, on comprend qu'il a une vie difficile. En fait, le personnage, dans une comédie romantique, tous les personnages, enfin, en tout cas, les deux personnages qui tombent amoureux, a priori, ne peuvent pas être totalement détestables. C'est impossible. Il faut les aimer. Sinon, tu. Ouais. Mais justement, le mec, il est comme ça, mais en fait, c'est une apparence qu'il se donne pour être un peu dur parce qu'il a eu une enfance difficile. Tu vois, il... ouais. Bah t'as le droit d'être raciste quand tu t'es fait taper, c'est comme ça. Le cinéma il dit ça, c'est bon. C'est la loi. C'est pas la rhétorique de Yann Moix ça. Merde. C'est carrément ça. J'avoue. Bref. En plus ça se trouve. Il nous écoute pas, t'inquiète. Bon, après on a le droit, il a vraiment fait un magazine antisémite. Donc ouais. On peut dire ce qu'on veut sur lui. Et donc voilà, ouais, les personnages sont forcément attachants. Bon, ok, d'accord. Pas de raciste. Mais bah il non, a un meilleur ami raciste. Après, il peut y avoir un autre personnage. Il a un meilleur ami raciste. Non, mais c'est exactement. Ça, c'est la meilleure amie qui est complètement détestable et c'est le problème. Oui, quoi. Et en fait, elle est super belle et l'autre, elle est timide. Mais du coup, il est attiré d'abord par la meuf super belle. De ouf. Et après, il va se rendre compte déjà qu'elle est raciste. Et ça, les enfants. Non. Ou alors, c'est justement l'ami toxique qui va faire tout pour empêcher cette histoire d'arriver parce que elle est jalouse. Je sais pas. Ok. Mais du coup, on est déjà dans l'écriture. Ouais. Ah okay. Bah on glisse, hein. Voilà. Et on va y arriver très prochainement. Si je vous le dis. Bon. Mais non, mais carrément. Ok. Carrément, cette idée te plaît? Carrément. Ouais, l'idée ouais. De l'ami toxique. Ouais. L'ami toxique. L'ami toxique des enfants. C'est la version française de la chanson de Britney Spears. Non mais on aurait dit que c'était vraiment une voix de quoi? C'était non, ridicule. Ouais. T'es un meupette. L'ami toxique des enfants. Sinon c'est Mélenchon qui enrhumé hein. Parce que vous avez pas eu l'avant enregistrement. Ah mais putain, j'ai perdu Théophile a fait genre J'ai fait l'imitation. Exactement. Ah, que j'étais pas encore arrivé parce que je suis arrivé super en retard et que je suis un co-host indigne. Et fallait bien qu'on s'occupe. Mais meilleur romantique. Alors, bah, c'était raté totalement. C'est devenu Chirac et Le Pen en même temps. C'est ça. Ouais. Chirac, Le Pen, Mélenchon en même temps. Rip Chirac. Eh non, c'est faux. Repose pas en paix. Tu lâches ça comme ça. Repose. Repose-toi, t'as dû être fatigué. Ouais, alors, du coup, c'est quoi l'obstacle c'est ça? C'est que... Alors déjà, ouais, est-ce que c'est... L'obstacle, déjà... c'est la meuf jolie. Ok. Ouais. Mais la... Non, mais enfin, superficiel en tout cas. C'est parce que vous disiez, superficiel, vous disiez, c'est mieux, je trouve. Vous disiez que l'obstacle ce serait que, en fait, à la base, le mec. Déjà, est-ce qu'on part sur une comédie romantique en hétéro? Exactement. Il faut déjà qu'on définisse voilà, les personnages. Définisse... Ah, parce que attends, parce qu'on peut faire on comédie. On est forcément hétéronormé dans une comédie romantique. Bah pas forcément, pas tu parlais forcément, de Conny Barion. Que... Ah, oui, mais c'est des exceptions qui confirment la règle. Mais voilà. En fait, c'est pas tant des exceptions dans le sens où tu peux faire une comédie romantique qui parle d'homosexualité de manière très hétéronormée. Oui, c'est oui, bah genre sinon Adèle Blue Wizard. Adèle Blancsec. Non. Blue is the Warmest Color. Oui, bah bien sûr, la vie d'Adèle. La vie d'Adèle, ouais. Bah, la vie d'Adèle, c'est un. Abdelatif Kechiche. Voilà, Kechiche qui est un gars de 50 ans qui a filmé des lesbiennes pour un fantasme de gars de 50 ans, quoi. Mais quand tu vas dans une majorité des comédies romantiques, toujours, tu peux retrouver souvent un personnage homosexuel et il est très caricatural, il est très vu par. Après, dans Sex Friends, par exemple. Hein, Louis? Mais même dans j'ai pas compris le rapport. Bah il y a un gars le pote gay de Ah oui, du mec, le mec qui rédige les sports. Voilà, il lui dit putain, qui rédige les sports. Toutes ses phrases, il parle de cul, il Ah est ouais, gay. C'est ça. C'est insupportable. Ah, je dis mais en vrai ouais, c'est drôle, et il se donne un genre. Le mec lui demande toutes les 30 secondes s'il est pas gay, s'il a pas changé entre temps, tu vois. Tu veux pas baiser, mais non en fait genre comment te dire, ce n'est pas un personnage qui existe. Ah, okay. Je sais plus dans quoi il a joué ce mec aussi. Bah dans Zombieland, etc. Ah, c'est lequel? C'est le vieux Woody Harrelson. Woody Harrelson. Voilà. Bah, il joue ce rôle. Three Blood Bond. Three Blood Bond. Qui est pas une comédie romantique. Pas du tout. Alors, vraiment rien d'une comédie romantique dans Three Blood Bond. Une petite histoire avec les panneaux. Enfin. Je crois il y a une scène de sexe avec des panneaux. Mais c'est, je crois que j'ai vu sur Pornhub, pas dans le temps. T'as pas eu le bon lien de téléchargement, voilà, toi. Ouais, voilà. Ah bah, Imule, hein. C'est plus que c'était. Imule. Dit Imule. Imule. Mais personne dit Imule. Imule. Si, on dit Imule. Non, on dit Imule en français. Il y a encore des gens qui l'utilisent. Ouais, c'est la vraie question. Parce que plus personne ne dit ça. Est-ce que même ça existe encore? C'est la question. Je suis pas sûr. Ah, bonne question. Ok. Ouais, du coup, alors. Et du coup voilà, est-ce que c'est bon, alors on part du coup a priori sur une relation hétéro entre un homme et son chien, je pense. Allons, après surtout qu'on est dans les clichés, hein, voilà, à deux personnes, enfin, on est majoritairement hétéro ici, on est mal placé pour écrire un truc sans non, parce que notre cliché, vision elle existe quand même, donc elle se légitime, c'est juste il faut pas stéréotyper et insulter les gens. C'est pas parce que t'es pas homosexuel que tu peux parler d'homosexualité. Évidemment. Mais du coup, effectivement, tu peux très vite tomber dans déjà dans une blague, dans une mauvaise blague, dans un truc comme ça. Mais genre le gars dans Sex Friends. Exactement. Je sais pas, mais ouais, sûrement. Mais on va rester sur l'hétéronormativité. Écoute, rester hétéro, voilà. Donc. Car c'est aussi 99%. Et alors, votre idée, c'était de faire Alors déjà notre personnage principal, puisque t'as il toujours parle comme ça. Je me suis fait posséder par c'est un Shadok. Du coup entre dans le couple, entre l'homme et la femme, c'est qui le personnage? Est-ce qu'il y a un personnage principal entre les deux, ou on est toujours centré sur à peu près les deux? Je pense qu'il faut qu'on choisisse un personnage qui est un peu celui central. Voilà, parce que dans Sex Friends par exemple c'est l'homme, Journal de Bridget Jones c'est la femme. Voilà, dans La La Land c'est les deux en même temps, on voit les deux histoires en simultané. Enfin, ouais. On a tout un nuancier de couleurs. J'ai envie de dire. Les deux choix qui s'ouvrent à nous. Allez. Le champ des possibles. Ouais. Et j'ai toujours pas pu finir mon truc. Vas-y. Est-ce qu'on part sur l'obstacle, c'est la meuf, c'est-à-dire le mec, il est attiré par la pote à la base pour finir sur la vraie sa destinée. Ouais, c'est vraiment. Ou alors en fait c'est vraiment la pote toxique qui est jalouse et qui va. Je pense que c'est les deux. Enfin. Pour la moi, tu vois, la pote superficielle, au début, ils sortent plus ou moins ensemble. Et puis le mec, il va en avoir marre de cette meuf très rapidement. Et puis il va se retourner vers sa pote. Ouais. Et la meuf superficielle, elle va devenir toxique en mode « Ouais, non, mais sors pas avec lui, c'est un putain de connard. » Enfin, tu vois, tout le cliché et le tintouin qui va avec. Après, là, du coup, on sort un peu de la... Parce que ça commence à devenir... C'est plus trop une comédie romantique. C'est plus trop une comédie romantique, effectivement. Pourquoi? Vas-y, octogone. Tu vas parler correctement, dis-donc. Bah pourquoi? Comment tu parles à ton père? Non, faut juste qu'on ajoute des blagues. Ouais, mais moi j'aime bien l'idée de ça. Il y a pas ce côté un peu très feel good en fait de la comédie romantique. Bah ça n'empêche pas, enfin ça n'empêche pas qu'il y ait du feel good à côté. Enfin ça, le feel good c'est sur la fin de toute façon. Ouais, mais pendant bah, le reste du film aussi, il doit y avoir des moments. Pas forcément. Enfin moi j'aime bien. Non mais tu vois le cœur du film c'est pas la meuf qui fait chier, tu vois non plus. Enfin je sais pas. Sinon il y a aussi les personnages solitaires. Ça c'est un truc qui revient souvent, le personnage qui galère. Donc on fait un peu. L'histoire d'un mec qui est dans sa chambre avec sa main droite qui tombe amoureux. Qui tombe amoureux de sa main droite. American Pie. Ou de main gauche, hein. Pas de jugement. Ah oui, pour les gauchers. Non, on va pas tomber dans ou les deux, ambidextre, wow. Polyamoureux. Allez, pas de jugement ici. On est woke. Putain, ça veut dire, est-ce que les polyamoureux ils se branlent avec leurs deux mains? C'est une non, mais il faut être polyamoureux et ambidextre. Pas déjà. Forcément, pas forcément. Avec un peu d'entraînement, je pense que. Vous pouvez voir des tutos sur internet. Exactement. Et du coup, ouais, faudrait définir ouais, cet obstacle. Une haie. Parce que c'est vrai que le côté la pote toxique bonne, superficielle, en fait, je pense que ça peut prendre le pas sur la vraie histoire d'amour. Et ça peut être compliqué à... En fait, ça peut devenir l'histoire principale au lieu d'être... au lieu que la vraie histoire soit une histoire d'amour. Tu veux que ça, non, faut que ça soit... ne soit qu'une péripétie. Oui, il faut que ce soit qu'une péripétie. Il ne faut pas que soit le centre de l'action. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, si, en fait, si c'est l'obstacle principal de leur amour, ça va... Y a plein de films qui fonctionnent comme ça. Bah oui. Mais justement, les comédies romantiques, c'est très... très structuré aussi, t'as vraiment le truc hyper classique de t'as l'introduction de tes persos, t'as ta péripétie, t'as le développement, t'as re une péripétie, t'as le développement, la finalité. C'est hyper classique comme ça, donc après, comment est-ce que nous on choisit de s'en détacher ou pas? Ouais, c'est devenu bah, hyper par exemple, sérieux. Ça peut pardon, excusez-moi. Non, mais parce que... Pas Prout, quelqu'un après. Allez, hop. Ça peut commencer avec le personnage, je sais pas, par exemple. Idée, hein, je pense que c'est la première fois que je vois j'aime ça. J'aime déjà pas l'idée. Il y a le personnage, par exemple, qui court et il s'apprête à tomber, arrêt sur image et on ça, entend, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est novateur, non? C'est novateur, je pense que j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça dans le bus. Il l'a même écrit sur un carnet, c'est incroyable. Vous vous demandez sans doute comment je me suis retrouvé dans cette situation. Je vais vous expliquer. Vous vous demandez sûrement. Non, mais en fait, le gars, non, il n'y a pas de free swim, c'est un peu trop cliché, tu vois. C'était mais... une blague, hein. Non, mais. Van. J'enchaîne avec une autre van, en fait, t'as pas compris. Ah, ok. T'es pas dans le délire. C'est une avalanche de blagues. En fait, il court, mais il n'y a pas de free swim, et en fait, il y a une. En fait, il se ramasse, et pendant qu'il se ramasse vraiment, et après, il y a une. Ça fait ça, c'est moi. Il y en a sur image quand il se cache le nez. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. J'ai mal. Vous demandez sûrement comment je suis arrivé là. Appelez les secours. À l'aide. Je vous parle depuis l'hôpital. Donc, il court et arrête. Je suis tombé amoureux de l'infirmière. Je peux plus me branler, putain. Ah, ça me manque. Ouais. Donc, en fait, il court et il y a une meuf avec ses cahiers et tout. Et bam, il achète, oh. Il ramasse ses cahiers. C'est pas novateur ça? Et à ce moment-là, après, il continue, il heurte un poteau et il tombe amoureux du poteau, c'est ça? C'est un vrai sketch. C'est un vrai sketch. Et après, il y a le freeze frame sur le poteau. Et le poteau qui dit: ça, c'est moi. Ah non, il dit rien, c'est un poteau! Putain! C'est à l'humour, j'adore l'humour. C'est un sketch de Palma Show, ça, le mec qui tombe amoureux à chaque fois qu'il regarde un truc. Ouais. Ah ouais? Ah, notamment merde. Du chien. Ouais, ouais. Le coup de foudre, ça s'appelle. C'est très drôle. Ouais, je connais pas. Bah, c'est marrant. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce fais? Qu'est-ce que... Antonin est en train de faire des pompes, c'est des un ATR, là. Il est en train de faire un ATR. Mais pourquoi tu tout à coup, là? Ah, j'ai eu 10 sur 10 en gym. Il a ramassé un Jack. Ouais. Quel rose dans Titanic. Pourquoi t'as fait... Il y avait de la place sur cette putain de... Il y avait de la place. Il vient de le prouver. Par A plus B. Dessine-moi comme une de tes françaises. Hein. Ouais, mais attention, parce que les françaises que je dessine, bon... Et après, sexe-moi. Le verbe sexer. Ça me fait rien, ça me fait rire. Rose, sexon. En fait, je sais pas dessiner, vas-y, on passe direct à la deuxième partie. Et après, il y a un mec au saxo qui fait... qui est présent. Bah, allez, viens, là, toi, Rose, avec ton saxo. Rose, saxo. Saxon, saxo. Wouah. Je l'ai pas ouf. Oui, du coup, on est dans quel univers aussi, enfin, qu'on pose un peu les bases du décor, le truc. Dans notre... Moi, je dirais Xénon 500. Ok. L'exoplanète KB2. Question un peu importante qu'on avait évoquée dans l'épisode sur les Western. Trucs de Noël. Oui. À quelle saison on est? Parce qu'on peut très bien faire une comédie romantique. Ah, ah c'est la saison 6. Hein. Ou au... Je pense qu'on commence direct. J'ai ri trop fort, mais... C'était démesuré par rapport à la vanne. Mais la vanne m'a fait rire. Rire. Ah là là. Ouais, non, quelle saison? Bah, printemps. Ouais, le printemps, c'est ouais, le printemps. Ouais, ou alors justement, on fait un... Sinon, après, c'est l'hiver et c'est pas une comédie romantique, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ou sinon, ouais, c'est l'automne, ouais, et à ce moment-là, on est à New York et c'est Woody Allen. Allez, il pleut et puis ils sont deux, ils vont à New York, hop là. Donc, moi, je pense que printemps. Le cliché, c'est ouais, printemps. Printemps à New York. Non, à France, on est chauvin. À France. Non, on est en France, ok. À France, s'il vous plaît. Moi, ça me va. Ouais, en France. Dans nos régions où du talent. Hein, dans un petit village. Une, je ne sais pas laquelle. Hein, et elle se reconnaîtra, le Nord. Une des régions. Là, la moitié Nord entière. T'aurais pu choisir, je sais pas, la Creuse pour vexer personne, peut-être. Tu sais qu'à force, ils doivent vachement vexer les Creusiers. Les habitants de la Creuse. Non, parce qu'ils ont fui la Creuse. C'est une zone rurale. Ils sont montés à la capitale. Ah, je suis allé en ville l'autre fois. Et donc, non, mais ça pourrait être marrant que ça se passe, ouais, dans une... Pas à Paris, tu vois, mais dans une... Dans ouais, une... non, mais une grande... Une moyenne ville. Genre, une moyenne Angers, ville. C'est bien. Genre Poitiers. Limoges. Angers. Moi, j'aime bien Angers, c'est joli. Limoges, j'aime bien. Il y a que Limoges. De la porcelaine, c'est tout ce qu'il y a. Du coup, je vois qu'il m'a... Ah, putain. Il casse plein de trucs tout le temps. À chaque fois, il casse des assiettes en porcelaine. Et il se retrouve dans... Putain, d'ailleurs, ça m'a rappelé un... Non, rien. Ah, mais oui! Oui, je vois. Non, mais ça m'a rappelé une vanne en fait dans Neuilly sa mère 2. Oh putain, Neuilly sa mère? Je suis allé voir au ciné. Ah bah t'as vraiment. Nul à chier. Ouais. Hein, nul à chier. Bah parce qu'en fait ça a été tourné dans ma ville, du coup je suis allé le voir en mode waouh. Ouais. Wow. Mais en fait c'est de la merde. Mais il y a une vanne où ils sont dans la bibliothèque de l'école et en fait il y a un rayon de bouquins sur la porcelaine et c'est là où se retrouvent tous les gays. D'accord. Et c'est juste ça la vanne du film. Et dans le film, il y a cette vanne et je ne comprends pas la vanne. Mais si, les gays et la porcelaine, ça coule de... Ah non, bah non. C'est ça. Il y a aucun. Si vous avez des explications, envoyez-les nous dans les commentaires. C'est 5 étoiles. Très chelou cette scène. Bref. 5 étoiles. Et ouais, donc France, Poitiers ou Limoges. Allez, ou Angers. Moi j'aime bien Angers. En joie. Après, ça, on s'en fout parce que si les gens connaissent pas la ville, ils vont imaginer une ville au pif. Donc, on va ça dire se passe ça... à la Red Box. Chaud, Yannick Sem. Grave chaud. Non, mais genre, de toute façon, les vous qui écoutez, vous allez forcément imaginer. Moi, je t'écoute. Votre ville. Ah, du coup, on est. Si vous connaissez pas la ville, ma ville genre, si on dit, Angers, et que vous ne venez pas d'Angers et que vous avez jamais été à Angers, vous allez imaginer votre ville en parlant des rues, quand on va parler des rues, des endroits. Etc. Donc, on dit qu'on n'est pas. Voilà. On est avenue de la République. On est dans toutes les villes. Exactement. Avenue de la République, ouais, là on est sûr, on se trompe pas. Rue du Maréchal, putain. Toutes les villes, non? Ça dérive si vite avec vous, c'est incroyable. Vichy, c'est le sein. Je suis allé à Vichy. Ouais, donc. Ah ouais? Ouais, y a pas de trace trop que de ce qui s'est passé. Énormément de pastilles. C'est tout ce qu'il y a, c'est que des pastilles. Les murs sont faits avec des pastilles. Les maisons sont fabriquées en pastilles. Y a pas de béton. Le ciment est fait à partir d'eau. Non, en fait, ils lèchent les pastilles. Les petites. De manière à faire comme une petite couche de. Tu vois? Y a que deux maisons, c'est très très lent. Ouais. C'est comme dans Charlie Chocolaterie quand ils construisent. C'est lent et délicieux, c'est ça. Le truc en bouchon de. Ouais, de dentifrice. Ouais. Ok. Tu connaissais Charlie Chocolaterie? Ouais. Ouais. Super, on va pas parler de ça. Ouais, complètement. Ou avec les Oompa Loompa là. Ouais. Bah, la scène. Alors en vrai, les Oompa Loompa ils baisent. Ouais. Ah non, peut-être j'ai vu ça. Ouais. Faut que t'arrêtes d'aller sur le site de téléchargement. Putain, il miaule là, fait chier. Mais je suis passé en premium aussi, ça commence. Donc on est Angers, Limoges, Poitiers, ouais. Vous faites votre ville. Une fabriquez votre ville chez vous. Ah, et est-ce que font les personnages principaux? Est-ce qu'ils sont leur métier? Je pense leur métier. T'en as un, il est intermittent du spectacle. Ouais. Allez, intermittent du spectacle. On saura de quoi on parle au moins. Eh, comme ça on peut bien s'identifier. Et comme ça on parle. C'est des chômeurs ou quoi? Eh, celui-là c'est vraiment un saltimbanque. Hein. Allez. Et hop les tambours dans la rue. On fait du tam tam. Ça va Chirac, tranquille. Parce que le bruit et l'odeur. Et du coup là, c'est qui? C'est la fille ou c'est le mec qui est intermittent? Le mec. Bien, les meufs elles font pas des. C'est cliché putain. Non, en vrai je verrais bien la meuf pour de vrai. Ah ouais. Ok. Les deux meufs, les en deux Sarouel. Meufs, elles se connaissent, elles sont potes. Non, elle fait des, elle fait du théâtre. Elles sont potes. Elles se sont rencontrées à Marne-la-Vallée à Disney. Elles faisaient toutes les deux le rôle de Minnie. Pourquoi toutes les deux? Parce qu'il y a deux Minnie. Mais parce qu'elles se relayent quand même. Bah, ah oui, est-ce qu'on parle? Attends. Les protagonistes. Ah, allô. Ah. Allô. Allô. Il a fait un pitch down en vrai. Ok. Waouh, je suis fatigué. Waouh. Et donc, ouais, ok, donc elles se rencontrent à Disneyland. Donc, Elles font partie de la même troupe de théâtre. Genre, on peut dire qu'il y en a une qui est comédienne, l'autre technicienne, enfin, on s'en fout, tu vois. Genre, voilà, très bien. Ou non, deux comédiennes, deux aspirantes comédiennes. Sauf qu'il y en a une pour qui ça marche bien. Genre, elle fait du mannequinat, tu vois, elle fait des trucs un peu. Donc ça c'est la meuf superficielle qui se met en valeur, etc. Exactement. Et l'autre qui est plus réservée, timide, qui a des rôles mais plus de clichés, de intello, tout ça. Non, elle fait du stand-up et. Et ça marche pas trop. Ouais, ça marche pas du tout. Elle est pas marrante en fait. L'autre jour. Elle met trop, ça sent pas bon. Hey, la dernière fois je vais chez le coiffeur. Bouh. Jetez-lui des tomates. C'est Copy Comics. En fait, c'est ça, le mec sait Copy Comics et il se rencontre et en elle fait, le sait pas. C'est Gad Elmaleh, déguisé, qui saute au pont. Et non, c'était moi, Gad Elmaleh. On aurait dit Jean-Pierre Pernaut. Attends, mais c'est l'épisode où on fait des voix. L'épisode des voix. J'essaie de chercher si j'avais une imitation moi, mais non, du coup, dommage. Oui. Écoute, tu peux, j'adore ça. Ça vient de nulle part. Oh merde. Donc elle est comédienne. moi je suis chaud, elle a un talent d'imitation, tu vois, justement. Elle est dans le stand-up, oui. Elle essaye d'être imitatrice. Son héros, elle a un poster de Canteloup dans sa Non, de Gérard. Les deux, non, elle les affronte. Canteloup, c'est Gérard. Mieux. Ah, Gérard Darmon. Ouais, Canteloup, en vrai. Non, Laurent Gérard. Non, Canteloup. Ah, Gérard, putain. Laurent, Gérard. Gérard Martin, là, mon voisin, mais pourquoi tu parles de lui? Pourquoi il aurait un poster? Je ne sais pas. Vous connaissez pas Gérald Darmon? Si. Mais il est très mauvais. Mais en fait, est-ce qu'il y a même un imitateur bon? Oui, moi. Chirac, il imite super bien Chirac, faut le savoir. Je suis François Hollande. Je suis imitateur. Est-ce que vous trouvez normal que le patronat... Mais c'est Miguel Valls, ça, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il est de gauche. Donc elle veut être... Enfin, elle est imitatrice... Elle se reconvertit dans l'imitation. Voilà. Mais du coup, elle est pas très douée, on est d'accord. Elle Parce que comme on va essayer elle, de... Elle est pas très douée, mais elle essaye, du coup, elle est attachante. Tu vois, c'est un peu genre elle super flame, même. Tu vois. Je déteste cette... Oh, merde, putain, allez, il a dit attachante. C'est les vieux t-shirts, tu sais, où il y a marqué c'est ça. Attachante. Ouais. Si tu ne mérites pas mon pire, tu ne mérites pas mon meilleur. Sky's the limit. Arrête, c'est le nom de notre groupe. Groupe. Ouais, c'est long à expliquer. Non. On a le temps. Ah ok. Le groupe de notre ville. Hein? Ok, bah notre groupe de potes avec Louis, Mespoulet, de notre ville, de notre lycée. Et ben, on l'a appelé Sky's the limit pour déconner. On l'a jamais changé, ça fait 3 ans. Ok. Voilà. Et maintenant, on dit, hey, t'as vu sur Sky? Et ça fait plus nom de boisson que nom de groupe. En fait, c'est le groupe des alcooliques. T'as moi, pas ça vu me fait qu'elle plus a dit sur Sky? Mais... C'est pas un film. La première fois que vous l'avez lu, c'était sur Sky's the Limit. Wow. bon. Bref. Et donc, okay, c'est toi qui poses la question. Cette imitatrice. Le mec, il fait quoi? Le mec, et le mec, genre, il c'est un peu un mec. C'est un fakir qui marche sur de la porcelaine. Non, mais il a un métier qui a rien à voir, justement. Ouais, genre, il finit son doctorat de commerce. Genre podologue. Commerce. Doctorat de commerce. Ouais. Je suis doctorat d'économie. Docteur en commerce. Doctorat. Vous avez un commerce qui tourne mal. Je vais vendre des docteurs. Doctorat d'économie, je sais pas. Non, mais il est. Un truc un peu chaud. J'allais dire deal. Il est. Tiens, Wall Street, les. Ah, trader. Il est trader. Oh, c'est Jérôme Cardiel. Il est trader à Limoges. Ah, mais grave. Ah, grave, c'est un trader. Et genre, tout. Et, mais en fait, c'est un trader un peu nul, tu vois. Au CAC 3, c'est même le CAC 40. Tous les matins, il regarde la météo du Bitcoin de Fanta. Oui, alors. Alors là, on voit une formation en rush qui va finir sur... Une formation orageuse. Non, mais vous connaissez pas la méthode du Bitcoin? Alors, je vois ce que c'est, mais j'ai jamais regardé. En gros, c'est un YouTuber qui s'appelle TheFantasio974 qui faisait avant des vidéos Minecraft. Mmh. Attends, The Fanta et Bob? Ouais, exactement. Mais non. Et il y a à peu près un an, il a totalement arrêté les vidéos Minecraft sur sa chaîne. Et il s'est reconverti. Enfin, maintenant, il est trader et il fait tous les matins... des vidéos qui s'appellent la météo du Bitcoin, dans lequel il analyse les courbes de les courbes, tu sais, comme la bourse du Bitcoin. Et il est là, qu'est-ce et il que fait ça. Alors là, chiant. On voit sur cette formation là, on peut remarquer que ça va remonter dans peu de ci de là. Et genre, et il monte sur son écran et c'est chiant. Ouais, non, c'est chiant. Non, ah ouais, tu m'étonnes. Ça dure une demi-heure, voilà, et une heure en plus. T'as le droit à une heure en plus si tu payes. Ah yes, j'ai hâte de payer. Pour avoir en tous Bitcoin. Les petits conseils de Fanta. Et dire qu'il faisait du Minecraft. Ouais, et avant il était. Comme quoi, les changements de carrière, et ça prévient pas. C'est imprévisible. Et donc ouais, et donc ça peut être trader. Ça peut être un trader comme ça, mais nul, genre il trade du Bitcoin, enfin il spécule sur du Bitcoin. Ou ça sur des moutons. Sur la valeur des moutons. C'est ça, il est trader, mais comme il est à Limoges, le blé. Il achète des boulangeries, des moutons, des trucs comme ça. C'est à son échelle à lui. Il achète des parts dans sa boulangerie, mais la boulangerie, je ne suis pas coté à bourse. Bon, donnez-moi un croissant alors. J'essaierai de le revendre. C'est une partie de votre boulangerie, ce croissant. Ok, ça me va. J'achète la recette de votre croissant. On leur trouve des noms ou pas? Jérôme et Josiane. Jérôme comme Jérôme Carviel. Ouais. Et du coup, t'as dit Josiane. Josiane, la timide, la timide. Timide, c'est Nicolas comme Canteloup. Il s'appelle Nicole du coup. Nicole. Ouais, Nicole et Jérôme, on est sur Nicole et Jérôme, okay. Sur du bon Limoges, c'est du caca. Ouais, c'est vraiment Limoges, hein. Bah, Limoges, tu sais, ils ont pas encore la fibre. Du coup, pour les bitcoins, à chaque fois, il les rachète, mais deux jours trop tard. Tu sais. Il va au bureau de tabac parce que son bureau de tabac fait aussi trading. Il a un ping de genre 2000. C'est un cybercafé. Est-ce que vous avez vu le film L'Outsider avec qui parle de Jérôme Carré? Ah non. Ah, j'en ai entendu parler. Mais est-ce que vous avez déjà vu un film qui parle de trading? Parce que c'était avec Ryan Gosling. Non, mais en fait, mais en fait, parce que du coup, j'avais une vanne sur le fait que qui traîne, mais ça marche si on a vu. Mais bref. Ok, d'accord. Tu essaieras de la placer discrètement un moment si tu veux. Ouais. On te fera une petite. Okay. Je sais pas si vous avez vu L'Outsider. Et du coup, ouais, donc Jérôme, ils se rencontrent comment les deux? Attends, mais la superficielle. La superficielle, oui, pardon. Jessica. Du coup, elle est comédienne aussi. Puisqu'ils se sont rencontrés à Disney. Deux comédiennes. Et est-ce qu'elles se sont vraiment rencontrées à Disney? Je sais plus un peu. Bah attends, non, au Futuroscope. Allez, au Puy du Dôme. À Poitiers. À Poitiers, le Futuroscope. À Vulcania. Au Puy du Dôme. À Vulcania, ça me fait moins. Elles jouaient, elles étaient déguisées en volcan. C'est le Puy. Elles jouaient la lave. Oh, le Puy du Fou. Au Puy du Fou. Non, ouais, le Puy du Fou, par contre, c'est un. C'est si tu travailles là-bas, c'est un peu réac quand même. De quoi? De Villiers. C'est le mec qui l'a créé, c'est De Villiers, c'est un mec hyper homophobe. Ils ont créé une école. Ouais, mais c'est qu'un détail. Un détail de l'histoire. Ce n'est qu'un point de détail, n'est-ce pas? C'est le premier épisode où on cite Nicolas Canteloup et on fait énormément d'imitations. Mais attends, mais du coup, ça peut être le thème du film, l'imitation. Et le thème, comme ça, le thème du podcast même. Allez. Bref, et donc. Et donc, ouais, et ils ont, ouais, Puy du Fou, ils ont créé une école dans laquelle, genre, tous les matins, il y a levée de drapeau sur la Marseillaise avec tous les élèves, la main sur le cœur, en uniforme. C'est vraiment un délire très vieille France. Ouais. Tout ça pour dire qu'ils se sont rencontrés là-bas, du coup. Ils se sont rencontrés au Puy du Fou et elles ont détesté, évidemment. Ouais. Non, la meuf en sarouel, elle a détesté. Ouais, la meuf Nicole. Superficielle, elle s'en bat les couilles. Nicole, et comment elle s'appelle la meuf superficielle? On lui a pas donné de nom. Kelly. Je proposais de Jessie. Ouais, elle est Kelly. Kelly. C'est sorti naturellement. Okay. Ouais, je sais pas. Allez, Kelly. Comme ça. Kelly. Kelly et Nicole. Des gens qui ont beaucoup de chance de se rencontrer. L'amitié, mais vraiment. Improbable. Improbable de ouf. Mais elles se détestent d'ailleurs. En fait, elles sont potes, mais juste parce qu'il y a que elles dans la ville. Elles sont obligées de se supporter. Voilà. Non, parce qu'en fait, c'est le hasard pur. À chaque fois qu'ils ont un travail, elles sont ensemble. Exactement. Vu qu'elles sont intermittentes. Et en fait, parce qu'elles jouaient des infirmières sur une reconstitution d'une bataille de la Première Guerre mondiale au Puy du Fou. Oh, c'est elles sont fait gérer parce que quoi Nicole, elle essayait d'imiter des gens. Et Nicole, elle était là. Non, vous n'allez pas mourir. Elle imitait De Gaulle. Mais ce n'est pas la bonne époque, voyons, Nicole. Bref. Et, tous les et si, il y a un spectacle sur la Première Guerre mondiale au Puy du Fou. D'accord. Et ben va pour ça. Et ben voilà. Et Kelly, elle faisait la pin-up qui motivait les troupes. Non, elle est infirmière aussi, deux infirmières. OK. C'est ça. Parce que il y a vraiment sur une scène de bataille une pin-up, c'est très bizarre. Bah si, en soi si c'est la Première Guerre mondiale, la Madelon, ça le fait bien hein. La quoi? Tu connais pas? Non. La Madelon. Bon, petit point historique, à l'époque de la Première Guerre mondiale, tous les poilus avaient rêvé d'une meuf, comme ça durait très longtemps la guerre, et ils l'avaient appelée la Madelon, et c'était une meuf qu'ils imaginaient en fantasme, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais, d'accord. Mais enfin, non, en fantasme, quoi. Oui, oui. Ouais. Donc, par exemple, pas dans la scène de bataille. Bah, pourquoi pas. Elle évite les balles. c'est vraiment un spectacle. Hein. Après, c'est compliqué peut-être de faire un fantasme. Ils vont pas tirer à balles réelles. c'est pas très poétique. C'est pas très axé poésie, le Puy du Fou, je crois. Non, pas trop. Ouais, hein. Plus axé racisme. le podcast qui dénonce et qui se fait énormément d'ennemis. Ça reste le premier parc d'attractions de France. Hein. Non, mais ça, c'est vraiment l'arnaque du siècle. Hein. C'est genre ouais, ils ont été classés meilleur parc du monde ou je sais pas quoi, mais ouais, déjà par qui? On a un avis tranché ici. Hein, mais on qui dénonce. Peut stopper? c'est comme les trucs élus produits de l'année, mais t'en as 15 c'est sur vrai. Le rayon. C'est bref. Ah, ça dénonce. Hein. Bah écoutez, moi le capitalisme, on a des avis tranchés. Ouais, je suis contre. Moi j'aime pas. Je suis contre la pauvreté. Moi. Donc du coup, vive l'écologie. C'est quoi? C'est Nicole et Jérôme. Voilà, ils se rencontrent. Nicole et Jérôme, ils se rencontrent, mais enfin parce que ils ont rien en commun. C'est parce ça. Que la petite babos qui fait des imitations. Essaye de politique. Racheter des parts du théâtre dans lequel. Ouais. Yes. De du coup, ouf. Il vient visiter. Il vient visiter pour voir un peu pour se mettre au courant de si comment les affaires marchent bien. Ouais. Ça marche jamais bien dans un théâtre, mais. C'est vrai. Donc, mais parce qu'il est vraiment stupide. Et vraiment, il investit sur des trucs sur des nuls trucs à chier. Sur le papier PQ. La différence entre le papier PQ en France et le jet d'eau au Japon. Voilà. Il investit sur une vidéo. C'est ça. On comprend pas le concept. J'ai mis un j'aime, normalement, j'ai une part. Un million. Je vais me créer plusieurs comptes et mettre plusieurs j'aime. Je suis actionnaire majoritaire de ta vidéo. Donne-moi les revenus. La moitié. Et donc, voilà, il va pour acheter. Et en fait, ils sont en répète. Voilà. Répète. Bah, en fait, ils sont en répète. Papa. Il répète. Je répète. Vous connaissez ça, cette vidéo? Pas du tout. Si, je connais. Il va la mettre. Bah oui, forcément. Elle est trop drôle. Mais ça marche en vidéo plus que. Ça marche aussi au son, c'est t'es sûr? Fredo Mercure. Non, fait... ça. Fredo Mercure. Ça marche aussi en. Il vient de le gifler là, c'est ça. Oui. Oh, oh non. Tu peux pas laisser Brian tranquille. Alors je précise, c'est une parodie. Ouais, c'est pas d'accord. Vrai. C'est du faux. Mais ça fait vraiment très vrai. Ils sont très très bons, les acteurs. Ouais, c'est vrai. Et donc, il arrive. Ils sont en répète. Et ben, ils sont en train de répéter ça. Ah oui, il faut une adaptation théâtrale de cette de confession intime. Oh, c'est trop bien comme idée. Non, en vrai, non, c'est vraiment bien. Par contre, non. En vrai de vrai, si. Bah ok, viens, on le fait. Bah go. Non, moi je vais pas le faire, mais okay. En vrai, faire une sorte de confession intime au théâtre, je pense que c'est bien. Mais du coup, je peux acheter des parts dans votre théâtre. Voilà, et donc oui, j'ai vu quelques sièges libres, je peux les acheter. Oui, Jérôme. Excusez-moi, qui est le gérant? Parce qu'il il est vieux, Jérôme. Bah, il a au moins 42 ans. Ils ont le même âge. Mais bien sûr, ils ont le même âge. Ils ont la 30. Mais il est vieux. Il est vieux. Du coup, vieux. Voilà. Il a une voix vieille. Où est le gérant? Bah, il n'y a pas de gérant, c'est une association, c'est un homme, 1901. Vous avez quel âge, Jérôme? J'ai 21 ans. J'ai beaucoup fumé. C'est même pas fumé, là, c'est... Non, mais c'est pas du tabac qu'il a fumé, c'est tout ce qu'il trouve. Des fils, des sacs. Ce câble m'a l'air bon à fumer. Merde. Pas tant que ça. Ouais, du coup, donc, Jérôme, il investit dans le... Il essaie d'investir, mais évidemment, c'est pas possible parce qu'en fait, du coup, il achète juste des trucs associatif. Mais du coup, il vient en répète. C'est un truc associatif, mais il voit. Il faut qu'il se rende compte. Mais il fait. Ah non, c'est pas possible. Nous sommes une association, mais bon. C'est loi de 1901. Si vous voulez assister à la répétition, essayez-vous. Pas de soucis. Allez, action. Silence sur le plateau. C'est vraiment cinéma. C'est marrant. Le mec, en fait, il se rêve. C'est un metteur en scène, mais il sait pas. En fait, son rêve, c'est de faire du cinéma, mais il est bloqué dans ce. Ah putain, y a plus de batterie. Il est complètement débile. Mais Philippe, on fait du théâtre. Mais c'est ça, et c'est Nicole qui imite Mookie, genre moteur. Ah ouais. Et où je compte Perchman, mais on voilà, est en théâtre. Mais voilà, en fait, ils font une adaptation pas de confession intime, mais de striptease. C'est ça. Parce que Jean-Pierre Mocky qui crie moteur, c'est un épisode de striptease. Confession intime est largement inspiré de striptease. Mais il mange trop, ces techniciens. Mais où il est, le Perchman? Vous pouvez les retrouver sur YouTube. Hein, cette, Jean-Pierre Mocky s'énerve très fort contre un technicien et le gifle. Ou même juste Jean-Pierre Mocky. Ouais, striptease. Mais Mocky, faites attention à la vidéo que vous regardez. Juste Mocky. Ouais, parce que si tu tapes Jean-Pierre Mocky striptease. Si vous allez sur le site de Théophile, vous avez pas le bon lien. Ah, là, vous savez, hein, ce qu'on fait avec le deepfake aujourd'hui. Mais donc, du coup, ce serait elle, la metteuse ou metteuse en scène. De gorge. Ouais. Fuck les misophones, visiblement. Ouais, clairement. Non, je vous aime bien. Donc, c'est elle, la metteuse en scène, je sais pas si c'est elle. Le metteur en scène, il y a un metteur en scène, il s'appelle Philippe. D'accord. Il a 42 ans. Il a grandi à Aix-en-Provence. Il a déménagé à Poitiers récemment. On a fait plus de background sur lui que sur les personnages principaux. Il était en 6ème B d'ailleurs au lycée Jules Ferry. Ah oui, putain, avec Nicolas là. Ouais, en plus, il avait anglais en 207. Ouais. Voilà, t'as vu qu'ils ont refait totalement la 207. Ils ont changé les tables et tout. L'isolation est pas mal maintenant. Maintenant, ils ont les tableaux numériques qui marchent une fois sur deux, puisque forcément le magnétoscope fonctionnait pas à l'époque. Ils ont pas de formation, les professeurs, ils savent pas l'utiliser. Ensuite, il a étudié le théâtre à l'université de Bogota, en Colombie, et puis. Et puis, il est revenu en France récemment, il y a 10 ans, pour monter sa propre association de théâtre qui s'appelle les... Petits dans les grands. Les petits dans les grands. J'ai oublié le mot plat. Ah oui. Les petits plats dans les grands. Les petits plats, justement. Mais du coup, lui aussi, il avait oublié et tout le monde lui fait remarquer que... Ah ouais, merde. Ah, putain. Oh, putain. Non, mais il est déposé le nom, c'est trop tard. Mais même les petits plats dans les grands. À la base, ils voulaient ouvrir un resto, c'est quoi le truc? C'est le premier truc qui m'a passé par la tête. Mais voilà, non, j'aime beaucoup. Oh, les petits dans les grands, c'est bien. Ok, les petits dans les grands. Les petits dans les grands, voilà, ils font Avignon chaque année. Ouais, festival. Voilà. Non, ils y vont en touriste. Non, ils font Avignon, ils fabriquent Avignon en maquette. Chaque année, ils le font. Ils update à chaque fois pour les travaux, etc. Bon, voilà. Attends, faut qu'on se concentre sur l'histoire quand même. Mais on avait Philippe l'histoire là, on a un personnage qui est Philippe fort, est donc il y a deux apparitions, hyper mais. De l'histoire. Non, on va le voir Philippe. Deux minutes. Je sais, tu te caches, merci que je te bute. Solo! Philippe est un élément hyper important parce que c'est lui qui va réinviter, en fait, qui va faire que Jérôme va revenir plusieurs fois. Mais parce qu'il va l'inciter à revenir. Il va lui dire, mais si rien. Je sais où tu te caches. Je suis sûr que tu joues bien et tout. Enfin, en fait, il va le faire jouer. Non, il va le faire jouer parce qu'il leur manque un rôle. Allez. Incroyable. C'est ça qu'on veut. Un rôle de trader. Putain, on a besoin d'un mec pour jouer. Pour. C'est ça. Sur les touches d'un écran. J'espère que la porte est bien isolée, hein, parce que je gueule beaucoup. Oh, t'inquiète. Il y a personne dans le bâtiment. Ouais. Bah, y a personne. Quand même des mecs sauf nous. Bref. Et donc. Et là, il se rencontre avec Nicole. Parce qu'au bout d'un moment, là, faut peut-être. Là, il se rencontre avec Nicole. Et en fait, parce qu'ils avaient aucun mec. Non, ils avaient aucun mec. Il y avait que des meufs pour jouer dans la pièce. Il y avait aucun mec, à part Philippe. Et il fallait jouer le mec qui embrasse Nicole à la fin. Et Nicole, elle voulait pas Philippe parce qu'il est dégueulasse. Donc, pas coup de foudre. Quoi? Il y a pas de coup de foudre. Non, mais ça arrive au fur et à mesure de la. Genre, ils se découvrent et. Voilà, ils répètent la pièce de théâtre. Au début, ils ont genre deux manteaux, après, ils en ont plus qu'un. Après, ils ont un pull. Non après, ils ont un gilet. Ou alors, au début. Ils se découvrent. Moi, j'aime bien. Si, c'est drôle, arrête. Eh ouais. Allez. Bah, non, allez, mais... à vous. Non, à vous, les studios. C'est le genre de petit easter egg que les gens ne voient pas, ou genre. Ouais. Le décor est évolutif, mais tu vois, c'est vraiment trop visible. À la fin, ils sont à poil, hein. Bah, et clairement, la scène de baise, il enlève juste son dernier t-shirt. J'enlève aussi mon slip. Ah, le slip aussi. Oui. Et bah voilà, on a la fin. Moi, je suis vraiment pour. Il y a Philippe. Ils savent pas faire tous les deux. Ils découvrent le concept de nudité. et de sexe. Et donc, en fait, ouais, ils se découvrent dans cette pièce de théâtre. Mais parce qu'au début, il pécho la Kelly. C'est ça. Ouais. Au début, ça, on n'oublie pas. C'est-à-dire que, en fait, dans la pièce, ils doivent s'embrasser Nicole et Jérôme. Ouais, mais elle veut pas du tout. Pourquoi ils rigolent ? Non, mais au début, tu vois, ils osent pas. Ils font. Non, mais on répétera ça plus tard, le baiser. On répétera plus tard. Et on parle dans vite. On répétera. Elle mit qui à ce moment-là ? Bah, parle comme ça, deux jours. Ça, c'est Jérôme, c'est comme ça quand il est stressé, il fait. Non, mais on reviendra plus tard, peut-être. C'est un diesel. Peut-être pas. Peut-être on fera le baiser un jour. Ou pas. J'aime bien ce perso. Ah, moi pas. À écouter, c'est insupportable, je t'avoue. Ah bon. Ouais, et du coup, dans la scène, il lui dit ah, bah attends, ça tombe bien, vas-y, viens. Et donc il se laisse embarquer. Ouais, c'est ça, parce qu'il a aucune volonté. Ouais. Oh, ok, bon. Il n'y avait rien à faire aujourd'hui, il voulait juste racheter ce théâtre et en fait ce théâtre n'est pas à vendre. Ouais. Ah, il ne peut pas. Du coup, c'est le moment de vendre aussi. Enfin, c'est... Voilà, c'est parfait. Mais comme il n'a pas encore acheté, du coup il est niqué. Ah, il est là, putain, Philippe... c'est le moment de vendre. Si je l'avais acheté. Pour Philippe, c'est une occasion en or. De. Ouais. Bref. Philippe, on le rappelle, qui vit à Avignon tous les ans. Voilà. De tout ça, qui vient d'Aix-en-Provence, voilà, 16e B. Exactement. Qu'on comprenne un peu le personnage. Non, mais bien sûr, c'est très important pour Philippe. Et donc, voilà, il commence à répéter. Et puis, dans les coulisses, pendant une autre scène, dans les coulisses, il y a Kelly et Philippe, non, pas Philippe, Jérôme qui se retrouvent. Et qui commence. Ah bah tiens, t'es nu toi aussi. Non, en fait, il passe devant les coulisses. Enfin devant les loges et il y a Kelly qui est en train de se déshabiller et il passe et il fait waouh, oh my god, waouh, oh my god, god non damn. Mais il le dit waouh. Oui, il le dit, il non, fait, parce qu'il est choqué, wow. il est puritain, quel corps de rêve. J'achète. Je veux investir dans ce corps. Non, 10 balles. Mais et donc va pour 10 balles. Et donc, non, mais je sais pas, il commence à discuter et tout. Le courant passe pas de ouf, mais elle est bonne. Donc, elle est bonne, donc Jérôme, il se pose pas de questions. Merci, Louis. Et elle dit quoi? Il chantait Végédrim. Ah, c'est Végédrim, c'est pas la loi. Tu la mettras en post-prod. Je t'étais, c'est très bon moment de radio. Et... Ouais, donc il la découvre dans les loges, il dit j'achète. Là, elle dit, vu qu'elle elle se dit, Tiens, c'est l'occasion. Ouais, c'est le moment de se faire de la thune parce que. Et là, il y a Arthur. Il y a Arthur, le présentateur. Qu'a-t-il fait ? Tu voulais changer de boîte ? Voulez-vous l'appel au banquier ? Vous êtes sûr ? Il appelle. Ah, le banquier m'a dit que. Je sais pas. C'est vraiment pas ouf. Du coup, il la croise. Donc, parce qu'elle se prostitue, du coup, là, au final. Non, mais là. Ah bon non. Non, bah, non. Elle accepte. Non, non. Pour de l'argent. Non, mais non. Non, il n'y a pas d'argent en jeu. C'est juste. Lui, il se dit, je veux investir, mais. C'est dans sa lui tête. Il propose pas. Ouais, c'est dans sa tête. D'accord. Et d'ailleurs, on voit un mec, genre, sur son épaule, avec des ailes, et un autre avec des cornes. Bel effet de mise en scène, ça moi. Ça a jamais été fait, ça encore, non? Bah, je crois que ça a l'air novateur. Il y a un freeze frame, il y a un freeze. Ça, c'est moi. Tout en même temps. Vous en avez sans doute comment ces deux petits démons sont arrivés sur mes épaules. Et là, il y a Kelly qui lui rentre avec tous ses cahiers de cours. Il l'aide à les ramasser. De ouf, mais de ouf. Ok, on acte. Donc. Et donc, il l'aide à les ramasser. Puis après, en fait, il soulève les cahiers. Puis après, il la soulève, elle. Et ils baisent ensemble de Qu'est-ce manière que consentie. C'est romantique. Non, en fait, Non mais cut et on se retrouve dans la chambre non, en direct. En fait, il se relève avec les cahiers comme ça et après il y a Kelly qui commence à tendre sa main pour lui serrer la main. Mais en fait elle touche sa bite. LOL. C'est trop drôle ça. Bah moi ça me fait rien. Heureusement qu'on n'a pas mis de couple homosexuel sinon on serait parti beaucoup trop loin. Déjà là c'est chaud. Bon, c'est pas. Non mais ouais, enfin elle fait ça et en fait elle le fait exprès parce que quand même il faut que ce soit consenti comme rapport. Ouais, bien sûr. Non mais oups, non mais tu sais la meuf ingénue oupsi et lui il fait exprès de il veut lui rendre ses cahiers, en fait il lâche les cahiers, il touche ses seins, tu vois. Oh, merde. Il va pour lui faire la bise et en fait il fait sur ses seins. Oh mince. Vous êtes moins petite que je croyais. C'est pas des grosses joues. Oh bah, dommage. Et là, bam, cut, ils sont en train de ken sévère. Ouais, voilà, cut, ils ken sévère. De manière consentie. Mais un plan un peu ridicule à la OSS 117, tu sais, où tu les vois quand ils commencent un peu à ken et que la caméra. Elle commence à se détourner. Ah oui! Se détourne et tu vois dans le reflet qu'elle fait ça n'importe comment, tu sais. Oui, grave. Oui. Et du coup, après le sexe, ils sont dans le lit et en fait, ils se rendent compte qu'elle est insupportable en fait. Il y a un lit dans les loges? C'est très grande loge. Ouais, bah ouais, c'est un décor. Tout bah... se passe, c'est ça, tout se passe sur dans scène. Le théâtre. Mais moi je pensais qu'ils étaient rentrés en fait chez eux, mais. Ah non, bah ok, ils sont chez elle. Ouais, chez elle, parce qu'elle habite pas loin. Ou chez lui, parce qu'il a un appart en de même temps, trader, c'est pas très grand, ouais, mais c'est un trader mauvais. Oui, c'est ça. Il a un vieux T2. Clic-clac. Avec une machine Tassimo. Qui marche à moitié. Il réutilise la même capsule 3 fois. Bref. Et donc, j'en ai pas. Et ça va, ils se rendent compte qu'ils ont couché ensemble, enfin, même s'ils voilà. étaient consentants, donc ouais, ils étaient s'en consentants étaient rendus compte très, un petit peu avant. Waouh! Wow le matin, mais du coup, c'était toi! Depuis le début. Et donc, en fait, ils sont dans le lit, et là, ils se rendent compte, en fait, elle est insupportable, elle arrête pas de parler tout le temps, et pour dire que de la merde, et en fait, ouais, elle est raciste. C'est ça, elle insulte les gens. Elle commence à faire un accent africain dans le lit. Genre, c'est horrible. Je m'excuse pour accent africain, évidemment, ça n'existe pas l'accent africain. Non, mais oui, mais elle. À moins que tu donnes un pays à ce moment-là. Elle considère que tous les Africains sont. Par exemple, congolais. Ok. Elle fait un accent congolais ? Voilà. Okay. Alors, de quelle région du Congo ? Puisque du coup. Bah, il y a plein je de sais langues pas. Au Congo bon, aussi. Elle fait un accent raciste, quoi. Elle fait un accent raciste. Non, mais elle dit que c'est l'accent africain. Oui, c'est voilà, ça. Voilà, elle dit que c'est un accent. C'est... Ah, t'as déjà essayé en faisant l'accent africain ? Quoi ? C'est une technique. Le mec, il commence à flipper. Il fait, oh, j'ai couché jouit... avec Donald Trump. mais il jouit dans les médias quand même. Ah oui, bien sûr. Est-ce que c'est non, un éternuant comme dans Sex Friends ou pas ? Elle fait ça. Là, tu l'as. C'est marrant ça. Elle fait ça après le sexe. Ah oui, en fait, bah oui. Vraiment, genre, ils sont en train de discuter, tu vois, et en fait, c'est là. En fait. Ah non, ce serait marrant. Pendant le sexe, ses cris de jouissance, c'est elle fait un accent. Elle dit des trucs racistes. Et là, il est à fond dedans et il se dit bon, cette fois, je le fais, mais la prochaine. Ah, bon, allez. Tiens. Ah, le racisme anti-blanc. Ah. De ouf. Et après, ouais. Et du coup, après, elle, fait, elle arrive, elle fait oh, t'as voté pour qui pour les présidentielles? C'est ça. Bah quoi lui, il a voté Macron aussi. Bah oui, bien sûr. Il a voté Macron. Évidemment qu'il a voté Macron, mais pour elle, Macron. Bah, il avait des parts de dans La République En Marche, donc il s'est dit faut investir. Ah bah oui. Il a investi dans le parti. Et ensuite donc, un parti pris. Donc, Là, il faut. Arrête avec ça. Je vais te faire du mal. Moi, j'aime bien cette vanne. Pas moi. Non, non, ça va. Attention, nouvelle scission dans Intérieur Nuit. Donc, ouais, là maintenant, il faut peut-être que Nicole, à un moment, elle rentre dans le truc pour découvrir un petit peu. Il retourne au théâtre. Il retourne au théâtre. Pour les répètes. Parce qu'il, du coup, il a accepté le rôle. Il dit, bon, de toute façon, la boulangerie, c'est mort. Je pourrais pas investir dedans. Mon croissant est périmé. Mon croissant. La République en marche, c'est mort aussi. De toute façon, les bitcoins, j'ai que 0,01%. Sur les bitcoins, la météo. Ah, bah, il y a un petit cyclone des Açores qui arrive, donc je vais peut-être pas le prendre maintenant. Une masse d'air chaud remonte tous les matins. Le matin, il regarde la météo du bitcoin. Ah putain, il fait 17 à minuit. Est-ce que le générique, c'est comme la météo de Gilly? C'est la météo du bitcoin. Il fait froid, il fait chaud. Et le petit Fantasio te dit s'il fait beau. Mais le générique te... Mais je te le fais si tu veux. C'est la météo de Gilly. Attends, je veux juste l'écouter en vrai, s'il te plaît. Le petit bonobo te dit s'il fait beau. Allez, Pogo! Tu sais, le miel est un aliment. Voilà. Quoi, le miel est un aliment? Bon, me spoil pas! Non, mais attends, mais du coup, du coup, je suis désolé, mais je suis obligé. Tu sais, le haricot vert, ouais, pour savoir comment il faut s'habiller à la fin de la journée. Non, mais je suis obligé, du coup, de vous montrer la méthode du bitcoin. Hein. Ah! Alors voilà comment ça parle. Okay. Ces gens-là, c'est les nouveaux holders. Ils viennent de perdre leur langue, ils sont dans la merde. Ah, bail signal. Oui, j'ai un bail signal par rapport à un contact. Il y a même des rebondissements, incroyable. Sur le trendline RSI. C'est insupportable. Quoi, mais attends, mais... Qu'est-ce que c'est chiant, putain. Mais du coup, c'est le moment. Et ça dure Ça dure 17 minutes comme ça. Hein. Mais du coup, il fait ça tous les matins. Non, mais voilà. Sans exception. Je comprends tout à fait que pour t'endormir, tu veuilles écouter ça, y a pas de souci, ça te perd. Mais pour te réveiller, bordel de merde. Ah, oh, je me ferais bien une petite vidéo de bitcoin. Non, en mangeant tes céréales et tout. Mais c'est, ça a quand même 33 000 abonnés. Ça a 33 000 abonnés. Ah ouais! Donc pas moi. Eh, venez, on fait un raid, on s'abonne tous. Allez, raid sur. Sachant qu'on a 150 abonnés, je crois. La chaîne s'appelle Crypto The Fantasio 974. Voilà, allez vous abonner si ça vous chante. Ouais. Et donc voilà, donc maintenant que vous savez ce que c'est la méthode du bitcoin. Ok. Donc il regarde ça tous les matins. Il a regardé ça, elle est en train de faire des accents africains bien racistes comme il faut. Et du coup, pendant qu'elle fait. Elle s'entraîne limite. C'est ça. Ah oui, parce qu'en fait, elle est dans un spectacle. Et en fait, elle veut prendre la place de Nicole qui est imitatrice professionnelle. Voilà. Avec deux gros guillemets. Parce que chaque pays. Mais du coup, c'est que, ça. Parce que Nicole a une chronique à la radio locale, genre. Dans laquelle elle C'est Nicole Ferroni. Ouais, excusez-moi, mais depuis tout à l'heure, on est vraiment bien dans la comédie, mais le romantisme, il y en a pas. Hein. Mais si, ils ont couché ensemble. Ouais. En faisant. Non, mais ça arrive, ça arrive. Ils ont couché ensemble, bah, et là, ils vont se découvrir petit à petit. Après, en fait, le truc, c'est qui est hyper important dans les comédies romantiques, c'est écrire les personnages. Après, ouais. Limite, c'est. C'est donc on la rappelle même chose, Philippe, 6ème B, Aix-en-Provence. Voilà. Rénovation. Tableau numérique. Exactement, voilà, important. Là, on a des persos bien définis. Voilà. Mais donc, et ensuite Jérôme, cousin de Jérôme Kerviel, qui veut, qui investit dans des boulangeries et des pains au chocolat, et qui regarde la méthode du Bitcoin tous les matins. Nicole, jeune comédienne, enfin aspirante comédienne, passée par le Puy du Fou, Babos, oui, bien Babos, qui tente des imitations de Canteloup, qui nie des gens, qui a passé un an à Notre-Dame-des-Landes voilà, bien sûr. Et mais qui est revenu dans le droit chemin et qui a voté dans le droit chemin. Qui a voté en marche. Non, elle en a marche. Voté Hamon. Non, mais c'est une rue de Limoges en fait. C'est le droit chemin. Elle est revenue dedans. Non, elle a voté en marche. Sinon, elle peut pas. Ouais, Hamon à la limite, Hamon. Ok, elle a voté. Non, mais pas. Ouais, ok, elle a voté Hamon. Mais c'est pas grave au pire. Et après, elle a pas voté. Si, elle est encore à la ZAD. Non, mais faut montrer qu'elle est revenue dans le droit chemin. Ah, le droit chemin, le fameux droit chemin. Bah, bien sûr. Oui. Bah, attends. Ouais, la bien-pensance, ça suffit là. Au bout d'un moment. Arrêtez de me dire qu'il n'y a pas un droit chemin, je vous crois pas. Bref. Je vous demande de vous arrêter. Et donc voilà, et elle se lance dans le. Elle, après, Nicole. Après le stand-up. C'était baladure. Pardon. Après le stand-up, elle s'est lancée dans l'imitation sur la radio locale. Voilà, donc petit rappel. Et Kelly, personnes. Qui est une raciste. Voilà, qui est raciste notoire, aussi. Peut-être homophobe, hein. Bah, ah, tout, totale, tout, ah, la totale, voilà. Ouais. Mais elle est bonne. Du coup, Jérôme, du coup, il a elle a le droit, en fait. Voilà. Du coup, Jérôme, il, bah voilà, quoi. Il a craqué. Mais donc, là, ils reviennent au théâtre pour la nouvelle répète. Voilà. Et Jérôme, il est mal à l'aise. Voilà, il se dit. Il voilà. se rend compte qu'il va passer une journée de plus. Ouais. Avec, voilà. avec Kelly et ça va pas le faire. Je pense que cette journée, elle doit occuper une place importante. Genre, ça se déroule sur très peu de jours, on va dire, le film. Ah oui, on est sur un coup de foudre, un mariage en deux jours. Ah oui. Ah, tout à fait. Hein. Financé grâce à la méthode du Bitcoin. Le lendemain, tu sais, il y a une explosion, il gagne tellement d'argent. Mais donc là, Nicole, elle rentre en faisant Johnny, genre, c'est Johnny. Mais du coup, attends, il se marie au péage, c'est ça, c'est son ami. Allez. Mais non, elle est revenue dans le droit chemin. Et lui, trader. Donc elle arrive au théâtre, là, elle rencontre, enfin, elle voit Kelly et Jérôme. J'ai oublié son nom. Et Jérôme, ils arrivent ensemble. Ouais. La coup de foudre, toujours pas. Non. Non, il y a. Ok, on acte. Le coup de foudre, c'est quand il la voit jouer aux trois quarts du film, on va dire. Ok, d'accord. Genre, pendant tout le. Là, il est persuadé que Kelly, bon, en vrai, il va lui parler, il va lui dire d'arrêter, et tellement qu'elle est bonne, il va ken. Il va remettre le couvert. Pas le couvert qu'il va remettre. C'est plutôt la capote. Bah non. Non, ils ne se sont pas protégés. On découvrira un fils illégitime. Oh. Ah, mais rebondissement, justement. C'est le 2, ça. Il commence à se rapprocher de Nicole petit à petit. Et puis, finalement, Kelly, elle est enceinte. Il y a la fameuse scène du bisou. Bah oui. Qu'il va falloir. Parce que le spectacle approche. Et ils ont toujours pas répété cette scène. Parce qu'à chaque fois, il y a Jérôme qui fait peut-être on va le faire demain ou pas. Laissez-moi regarder mon drone. C'est pas le moment pour l'instant, il y a moins 80% sur Danone. On fera ça plus tard. Non, parce qu'il flippe, tu vois. C'est embrasser quelqu'un devant plein de gens qui te regardent. Et, tu vois, c'est 40 ans toujours plus haut, quoi. Pas du tout. Non, mais t'as dit ça comme si c'était un truc de ouf, genre embrasser quelqu'un devant d'autres gens. Bah, quand t'es comédien, c'est normal. Oui, bah c'est. Oui, quand t'es normal, comédien, quand t'es comédien, c'est normal, mais lui, il a pas l'habitude. Lui, mais c'est ça, il est trader à la base. C'est vrai que c'est normal, ouais, il est mais trader. Ça fait partie du métier. Lui, d'habitude, il le fait dans son lit tout seul. Voilà. Il s'embrasse tout seul. Polyamoureux. Je suis tellement bon. Je me suis retiré des côtes pour me sucer. Les genoux. Bref. Waouh, chelou le mec. Ah, d'ailleurs, t'as même pas besoin. Et donc là, il va falloir le faire, et il va falloir le faire parce que là, le spectacle c'est bientôt là. On a toujours pas répété cette scène. Ça, c'est Philippe qui dit ça. Mmh. On a toujours pas répété cette scène. Bon, Jérôme, porte tes couilles un peu, porte tes couilles de bonhomme et embrasse-la. Et là, ils font la scène. Et là, il enlève sa braguette. Et en fait, bon, bah, qu'est-ce que j'en fais? Maintenant, je les mets où? Il a ses posé sur la table là. Vous auriez une table à votre disposition. Et donc, tu sais, en fait, c'est une scène, tu sais, c'est une scène d'amour. Genre, c'est une scène, dans vraiment? Quoi? Genre, c'est une scène. De quoi? j'ai pas la blague ici. Parce que j'ai répété plusieurs fois, c'est une scène. Ouais. Ah, ok. Bah écoute, okay, parle donc à ma place. Non. Donc c'est une scène. J'ai pas ton idée. C'est une scène complète. Bouder, et il boude. Arrête de bouder. T'as vu ma calvitie ou pas? Non. Ah, dommage. On partage. Ok. C'est une pub Kinder Bueno, c'est quoi? Vous voulez pas plutôt ce délicieux gâteau? Non. Et donc, c'est une scène hyper romantique dans la pièce. Et là, il commence à. Tu vois, Jérôme, il ressent des trucs. Et à la fin, et il commence à y avoir une petite musique par-dessus avec des violons. Et à la fin, hop, apothéose, il s'embrasse. Et il continue de s'embrasser. Et après, Philippe fait. Ouais, la suite là maintenant! C'est bon, ça suffit! Et ils sont là, oh. Ils s'arrêtent pas. Et ils s'arrêtent, ils font waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu l'as senti aussi? Oui, je l'ai senti. Tu t'étais collé à moi, tu bandes comme une. Ouais, tu bandes. J'ai senti, ouais. Et bah, il dit, ah, tu l'as senti aussi en mode ce qui s'est passé et tout, genre le courant électrique entre nous. Et... Non, j'ai senti ta queue en fait. T'es vraiment un gros porc en fait. Vite, je vais le dire sur Twitter. Non. Mais carrément, moi j'aime bien. Donc, quoi, voilà. J'aime bien l'idée agresser sexuellement. Non, l'idée, il s'embrasse et voilà. Maintenant, la suite. Et du coup, là, il commence à se faire une, genre un petit peu des petites sorties dans la même journée, tu sais. Ouais. Genre, ils vont aller au distributeur automatique ensemble. Une pause clope ensemble. Mais ils ne fument pas tous les deux, du coup. Le distributeur, c'est sérieux quand même. Ah, ben c'est un repas, c'est un dîner en tête à tête. Ah oui, un Kinder Bueno. Le petit jambon beurre. Je suis parti dans une. Avec une petite. Ouais, Brassens qui chante le petit jambon beurre. On a entendu. Le petit jambon beurre. Toum, toum, toum. Donc ouais. Ouais, grave, grave. Voilà, voilà. Grave, grave, grave. Ouais, ouais, ouais. On est sorti dans la journée. Voilà, sur une petite musique, un petit peu, tu vois. Genre, c'est... J'adore dire ça. Mais voilà, ils vont visiter un petit peu Franprax, Limoges. Tu connais pas ça? Franprax. Ouais, le Franprax. C'est Franprix. Ouais, mais y a personne dit Franprax. Si. On voit Leclerc. Non, personne dit ça. Mais si, on va Franprax. Édouard Leclerc. On va au général Leclerc. Bref. Pas. Aïe. Et donc. Ils se font plein de sorties. Ils se font plein de sorties pour l'instant. Tout commence à aller bien entre eux. Et il commence un peu à devenir pote. Lui, il se dit la friend zone là, je suis à deux doigts d'y être si je n'y suis pas déjà. Il parle comme ça dans sa tête. C'est ça. Tiens. Attention, la friend zone, je suis à deux doigts d'y être si je ne suis pas. Oula. si je n'y suis pas déjà. Tiens. Que faire pour remédier à cette situation, cerveau? Dis-moi. Donc là, t'as l'ange et le démon. Ouais. Qui arrive. Et qui voilà font... ce qui va se passer. Et il y a le démon qui fait baisse-la. Et il y a l'ange qui arrive. Baisse-la, ouais. Oh non, il faut respecter. Non, l'ange il dit baisse-la aussi. Ouais, c'est ça. Non, tu sais, il commence en mode gentil. Non, il faudrait d'abord que tu l'invites au resto ou quoi. Et après tu la baisses. Après, en faisant comme ça avec son bras, tu la fesses mon pote. Après le démon il fait ouais. Popopo. Allez, ça c'est mon pote. Ça c'est mon boy. Allez, that's my boy. Et on n'est pas pote pour rien. Oh boy. Oh. Pendant ce temps, elle fait plein de d'imitations que je ne saurais pas faire. Voilà, par exemple, mais... à un moment elle fait François Hollande et elle fait le changement, c'est la maintenant. Et Tapi qui compte sur 65 millions d'habitants. À côté de l'Allemagne. Tu imagines? Tu sais, un discours comme ça. Le géopolitique. La France est juste au-dessus de l'Espagne. Il y a un petit aliment. Tu sais, elle arrive, elle arrête pas de faire le devine qui c'est, mais elle fait toujours une voix chelou. Tiens. Mais ses mains, ouais, elle arrive pas. Devine, mais c'est Patrick Boel. Oh, pas mal. Et à chaque fois, en fait, elle lui dit, devine qui c'est. Et lui, il devine pas. Bah c'est Chirac, c'est toi, c'est Nicole. Et non, it's me, Mario. It's a me. Tu le tiens. Ouais, enfin je le tiens pas moi. En fait, elle fait comme Superfly, mais elle fait des bruits d'animaux et des bruits de... Tu sais, ça dérape, elle a plus d'idées petit à petit, elle fait devine qui c'est. Quoin, quoin. C'est un canard. Ouais. Oui. Bien joué. Bon, c'est quand qu'on baise là. J'ai beaucoup de dates là, j'ai plus d'idées. Voilà, et du coup, là, nouvel élément, rebondissement, tu vois, enfin, genre, là, tout à l'heure, Louis t'évoquait le fait que Kelly, elle arrive en mode un peu, oui. Elle est enceinte, tu sais. Et genre, ouais. en une journée, elle sait. Oui, mais... j'ai fait les tests, je suis enceinte. Ouais, elle a fait les tests parce qu'elle est très. Elle est très rapide, elle a un cycle menstruel qui dure deux jours. J'ai pas eu mes règles depuis 20 minutes. Bah, ça se trouve, en fait, elle l'a fait juste avant ses règles. Et genre, elle se disait... Info non. Positif. Quoi? Info positif. Hein? Fake news. Non, info positif. Bah, il y a toujours une chance de faux positif. Quoi, oui, bah bien sûr. Test, Ah oui. Il est pas cool. Pardon, ah oui. Ah oui. Donc ça. Ah ouais. Ouais. Le sexe, je connais bien, ouais. Ouais, le sexe. Yes. Tout ce qui est les cigognes qui apportent les bébés. Ah, ça se fait dans mon domaine. Ça, c'est mon domaine. Non, je fais la cigogne. Nicole, c'est toi? C'est une mouette qui a beaucoup fumé. Elle vomit le bébé. C'est la cigogne. T'aurais pas des gauloises? Une cigogne qui accouche. De la bouche. Bref, donc. Donc là, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Qu'elle est enceinte. Ouais. pendant la pièce, genre au moment, tu sais, où ils rejouent la scène, où ils doivent s'embrasser, et là il y a Kelly qui arrive. Bam. Oh. Jérôme. Oh, ouais. Regarde ce que j'ai dans la main. Ma bite. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un stylo. Laisse-moi jouer Jérôme. Vas-y. Ouais, je fais toutes les voix. Moi. Quoi? Regarde ce que j'ai dans ma main. Bah quoi? Bah regarde. Ouais, bah quoi? Regarde bien de plus près. Attends, je vais Philippe. Mais Jérôme, c'est un stylo qu'elle te montre là. Pourquoi tu me montrais un stylo? C'est pas un stylo. Vous êtes trop des hommes, vous. Waouh. Ouais. Mais où t'as trouvé cet accessoire? J'ai fait pipi dessus, et ça m'a dit... Mais le stylo, il est niqué, du coup. Ta gueule, Philippe. Ok. J'ai fait pipi dessus, et ça m'a dit que j'ai un bébé. Et c'est toi le père. Je crois. C'est dit dessus, tu sais. C'est dit, c'est écrit... Jérôme le père. Ah mince. On fait quoi? On fait quoi maintenant? Bah on finit la répète et on voit ça après. Pas du tout le genre de truc où tu dis ça. T'arrêtes tout. Quand t'as un enfant, t'arrêtes tout. Non mais t'as... Non, lui il est valide. J'ai un appel. Je passe pas, un appel, je reviens. Ah non, non, je finis ça, après tu me dis on part pour le bébé. Ouais. Non, non, mais je dois vendre là. Excuse-moi, je finis ma vidéo sur le bitcoin, là, la météo du bitcoin, et après on voit pour... Excusez-moi, j'ai un conf call. Ouais, voilà. Quoi, comment ça on verra après là? Mais c'est hyper important. Non, mais le spectacle il est dans 2 jours. Wow! Ça se trouve, demain je vais accoucher d'un bébé! Ah, y'a peu de chance. Bah quoi? Pourquoi? Je sais pas combien ça t'en prend. Ah. Nicole, tu nous ferais pas une petite imitation? Ah bah, nous l'eau! Wouf! Wouf! Merci Nicole. Tu détends bien la tête de merde, Nicole. Et donc voilà, et donc, mais après qu'est-ce qui se passe? Parce que toi t'as dit on verra après. Bah ouais, alors, mais du coup là la relation entre Jérôme et Nicole elle est un peu tendue. Bah elle est niquée, quoi, parce que voilà, c'est comment il commence. Nicole elle est un peu là, elle est là, quoi, t'as de faire un bébé avec elle alors que on vient de toute façon. Pour la graciste à insérer dans ma phrase. C'est ah, toujours oui. leur faute. Ah oui, toujours la faute d'une minorité précise, c'est ça. Choisissez votre minorité, insérez-la dans le... Faites le montage chez vous. On vous fournira un lien pour la roue des minorités. Vous cliquez dessus et ça tourne et ce sera la minorité. C'est choisie. Parti, c'est parti, c'est parti. Oh là là, quelle minorité ça à va être. À tous les coups gagnants ou perdants, ça dépend ce que... Les meilleurs. Vous connaissez ça, c'est ouais. C'est un sketch des Inconnus, non? Ouais, c'est ça. Mais il est très connu, hein, d'ailleurs, les Inconnus. Ouais, t'as eu. Porte mal l'ordre. Incroyable. Cette blague n'a jamais été faite, d'ailleurs. Et puis là, il y a un freeze frame sur... Puisqu'on est dans les idées originales. Ah oui, oui. Et c'est un moment, il y a l'ange en freeze frame sur son épaule qui fait « Eh, d'ailleurs, les Inconnus, elles sont pas reconnues ou quoi ?» Allez. Allez, à plus. À plus dans le bus. Et là, ils s'envolent. Et du coup, donc il dit « On verra après », mais parce qu'il voit vraiment après, genre... Ils disent « Ok, enfin, en fait, il la croit pas au début. Vas-y, Kelly, sors de la scène. » Il continue la scène. Et parce que là, du coup, c'est un peu le moment où lui, il va pouvoir réembrasser Nicole, ouais. Mais genre un peu officiellement, où tu sais, ils ont commencé à créer un lien. Ouais. Mais là. Et du coup, là, elle lui nique son ouais, moment, tu et vois. Là, et là, elle tourne la tête, ça fait. Non. Je te sens pas là. Non, oh, attends, mais en mettant la main sur le c'était front. C'était un tiers. Ah, en oui. mettant la main sur le front, en regardant le ciel. Et t'as plein de lumières qui changent d'un coup. Libéré. Délivré. Très peu. Bah, du coup, enfermé. Pas délivré. L'inverse de Dave. Je mentirai toute la journée. On peut faire ça pendant 3 minutes ou alors on peut continuer. Moi, l'un ou l'autre me va. Ok, le printemps s'installe douce, enfin, fortement dans le jour. Voilà, du coup, les âmes s'excitent. Non, mais... Calmez-vous. Et du coup, ils reprennent la scène. Elle est moins chaude, Nicole, pour l'embrasser. Un petit 36-8. Parce que c'est pas encore inquiétant, mais commence à être un petit peu fiévreuse, mais un petit Dolip et c'est reparti. C'est ça. Ça fait l'inverse. Ça fait l'inverse le Doliprane. Genre t'as. Je sais pas ce que ça fait. C'est pour les. C'est pour les glaçon, douleurs en fait. Non mais le. C'est ça. Le Doliprane c'est pour les douleurs. C'est pas pour la fièvre. Ah si ça fait la fièvre. Non mais c'est pour les douleurs liées à la fièvre. Ça fait pas baisser la fièvre. Bah, si ça fait baisser la fièvre. Ah, je crois pas. Bah, je peux te dire. Si. Bah, du coup, si elle prend Doliprane, elle va être à 36,5. C'est ça. Je viens d'aller, ouais, voir, ça. Je viens d'aller voir sur Doctissimo, on m'a dit que vous avez le cancer. Je me disais. Et du coup, ouais, donc ça nique un peu la scène. Et Kelly, elle va s'asseoir dans les gradins et elle attend tranquillement avec son truc à la main que la scène se finisse. Plein de pisse, évidemment. Parce que ça, elle continue de pisser en permanence. Elle continue. Elle en prend d'autres et elle repisse dessus, mais juste pour le kiff. En fait, j'aime bien pisser sur les trucs. Il y a un high score sur le truc. 250. Essaye encore. Millilitres. C'est beaucoup, 250 millilitres. Ouais, ouais. Et après, elle boit plein d'eau comme ça. C'est un quart de litre quand même. Elle boit plein d'eau et après, elle repisse. Waouh, j'ai battu mon record. Ouais, et du coup, c'est la fin de la scène. Nicole, elle ne parle même plus à Jérôme. Et Jérôme, il dit: attends, je peux te tout expliquer. Je lui fais un bébé. Je vais te tout expliquer là. Car c'est l'entièreté de l'histoire. Et en c'était fait, avant notre histoire. Il lui explique que s'il lui a fait un bébé, c'était pour lui payer la pension parce qu'elle galère, c'est ça. Pension Man. Appelez Pension Man. C'est Niska, c'est ça? Non, putain, c'est le dernier album de Vald. Ah. Bah oui, bah il vise Niska. Oui, non mais pas... C'était pas... Et comment dire, et oui, premier sur le rap game. C'est ça. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Sky The Limit. Attends, Antonin, n'hésite pas à faire plus de bruit avec ouais. cet objet dans ta main. Ouais, alors du coup... Pardon, j'ai pas réalisé. À quoi une émission audio? Supportable. Ouais, du coup, il sort de la scène, il va rejoindre Kelly. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là, Kelly? C'est pas possible. Et Kelly dit: mais si, c'est possible! Depuis quand tu pisses sur un objet et ça nous dit si t'es enceinte ou pas? Tout c'est un stylo. Oh, tu connais l'autre! Quoi, ça c'est thèse de grossesse. Comment on fait pour investir dans cette entreprise? Si ça marche bien, je veux investir. Le stylo magique qui te dit si t'es enceinte quand tu fais pipi dessus. C'est ça. Non, Antonin. Non, non, non. On te voit, Antonin. Repose ce petit objet. Le gros Jack. Titre. Et... C'est le gros Jack. Le gros Jack. Et donc, ouais. Et donc, il s'engueule et tout. Après, elle fait: bah, de toute façon, tu peux avorter. Jérôme, il dit ça. Et elle fait: ouais, c'est mon corps, c'est moi qui décide. Ouais, bah, en vrai, elle a raison. Mais... Oui, c'est vrai. mais du coup. Elle le dit avec une voix insupportable. Ah, c'est pas non, mais non, mais elle veut bien avorter finalement. Ah ouais. Et du coup, péripétie nulle. 30 secondes. C'est ouais, désolé. Okay. Mais attends, mais tu veux pas avorter, tu t'auras pas de quoi l'élever cet enfant. Ah ouais, bon, bah d'accord. Non, ok, elle veut pas avorter. Et lui. C'est son moyen de la garder, de le garder à côté d'elle parce qu'il voit. Ouais, parce qu'elle, en fait, elle est amoureuse de lui. Ouais. Parce que. Non, mais tu sais, elle a des inquiétudes. Elle va être mère, donc elle se pose des questions. Elle fait: mais je sais pas, est-ce qu'il va être africain ou. Elle sait pas. Parce qu'en fait, elle sait pas si c'est vraiment le père. Alors, le stylo lui a dit. Enfin, le... Non. Il y avait marqué fait, c'est Jérôme quand même. C'est hein. ça. C'est Jérôme comme c'est le non, en fait, parce qu'en fait, c'est la marque du test. Elle pense. C'est le chanteur qui s'est reconverti, qui a lancé cette entreprise. Ah bah, ça marchait plus. Hein. La Starac, ça paye pas. Ah, et en fait, elle pensait que... Non, mais il a mis c'est Jérôme. Et du coup, c'est un peu comme ça, on écrit en même temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Bref. C'est pour les droits d'auteur. Et en fait, parce qu'au début, c'est la marque, tu vois, Jérôme, c'est la marque du truc. Et elle pense que c'est parce que ça dit que c'est lui le père, mais en fait... Ça dit pas du tout ça. Et genre, et on sait pas en fait. Ça donne si la température de la mer aussi. Quoi? Vous êtes à 37,8. Ça donne tout. Ça donne si t'as vous habitez au 15. Numéro de sécurité sociale. Bien sûr, tout la totale. Ça fait carte vitale aussi. D'ailleurs, elle pisse sur sa carte vitale. Parce qu'elle croit que c'est comme ça qu'on fait. Au début. Au DD. Wow. Ouais, et du coup, on s'approche de la fin, faut qu'on enchaîne là parce que là on avance plus tôt. On est pas mal en vrai. Je pense qu'on peut dire qu'on avance à tâtons. Et donc, tu veux que je te le finisse là? Oui, titre. Je te torche. Voilà. Avec un jet d'eau du coup ou avec du PQ? Elle était très bonne celle-là. Il a éloigné le micro. Donc, il démissionne. Ok, on reprend le lead. Yes! C'est parti, le plan pour l'instant se déroule sans accroc. Zanzaco. Donc, elle est là, elle veut. Je me suis perdu. Je voulais essayer. Bah, en fait, elle dit qu'elle veut le garder. C'est ça, elle veut et elle le garder. Et il dit. Ok. Et il s'en bat les couilles. Le mec arrive à faire un mic drop, mais avec un micro sur une perche. Il est fort. Donc, ouais, mais du coup, ils finissent ensemble à la fin ou pas? Ah non, pas Kelly et Jérôme. Oui, c'est ça, ok. Donc, juste, il fait une garde alternée et puis. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Mais elle accouche la semaine d'après. Non, mais non, mais en fait, c'est vraiment pas son fils. Ah ouais? Ah, ok, d'accord, ouais. Oui. Ok, d'accord. D'accord. Okay. C'est le fils de Philippe ou pas? Mais non, c'est le fils de quelqu'un. Et ils s'en rendent compte peut-être parce que, genre, en fait. Il a pas les mêmes yeux. Ouais, genre, en fait, le fils est carrément Renoir en fait. Non, mais oui, mais ça veut dire qu'elle accouche. Quoi? Ah ouais, bah c'est pas possible. Elle accouche dans la journée, quoi. Déjà qu'elle était enceinte. Dans la journée. Non, mais ils s'en rendent compte 9 mois après. Le cinéma, c'est l'art de tricher. En fait, et c'est ça, en fait. Et en fait, ouais, en fait, peut-être pas. Non, c'est je sais bien qu'elle reste enceinte. Ok, ouais. Ok. Et du coup, lui, il dit, bah ok, mais enfin moi, je vais pas l'élever et tout. Il dit, ok. Tu sais, au début, elle est vachement vénère. Et après, il dit, bon, ok. Ah ouais, vachement résiliente, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. Non, mais raciste. Finalement, elle est sympa, hein, la Kelly. Bah, il y a quand même des bons cantés dans tous les personnages, tu vois. Tu peux pas être tout blanc, tout noir. Des bons cantés. Des bons N'Golo cantés. Bah, c'est vrai qu'il est fort. À Chelsea, en ce moment, il joue bien. J'avoue, je regarde pas le tennis. Donc, ouais, je suis plus non, golf. Ils ont perdu contre l'Espagne 80 à 60. Chelsea Quoi? Très bonne vanne. Parle de basket. ouais. Et la prochaine émission sera sur les films sportifs. Et Chelsea, ouais, c'est pas une youtubeuse? Non, si. C'est Chelsea. Waouh. C'est le même blague. Quel con. Louis qui est dans une pièce à côté qui vraiment se désespère lui-même. Mais non. Ouais, allez, du coup, Louis. Du coup, en vrai, ce serait drôle que dans le film, limite, lui il dit ok, mais en fait on oublie qu'elle est enceinte, genre c'est un gros truc et tout, il lui a fait un enfant, mais même elle oublie. Même elle oublie. Oui, c'est ça. À la fin de la journée, elle a oublié. Genre, tu sais, des fois elle a mal, elle fait, je sais pas ce que j'ai mal au ventre, et il y a son médecin qui fait. Prenez un mais vous êtes enceinte en fait. Vous êtes enceinte. Elle fait, ah oui, d'accord. Tu sais, elle rappelle Jérôme tout le temps, genre Jérôme, j'ai un truc à te dire. Je crois que je suis enceinte de toi. Ouais. Oui, je sais. C'est la 8e fois ce matin. Mais je suis avec Nicole maintenant. Est-ce qu'on peut finir notre scène? Donc, elle est finie la scène. Justement, comment il va récupérer Nicole? Puisque du coup, Nicole, elle est en mode, ah, il est enceinte d'une autre femme qui l'a... Il est enceinte d'une autre femme. Il va être papa. Ouais, il va être papa d'une autre femme. Avec une autre femme. Voilà. Du coup, vas-y, c'est plus mon goal. Et bah, il fait un truc hyper romantique. C'est ça. De ouf. Bah, la grande scène finale pour la récupérer. Et où avec genre. Un flash mob. Avec un flash mob qui fait en pixel art. Un bébé. Un avortement. Mec. c'est horrible. Il lui annonce l'avortement. Il fait, j'ai réussi à lui faire dire oui. À l'avortement. Ah, c'est mignon. Ou sinon, Nicole, elle vole le gosse. Elle le kidnappe. La rançon, c'est fais-moi un truc romantique, sinon. Non, mais c'est vrai que du coup, elle est fâchée. Il faut juste avoir le déclic, genre comment elle est plus fâchée, et après, on peut dire qu'elle vole le bébé à la même femme. Bah moi je dis, c'est genre gros truc hyper romantique. Ouais, et dans la soirée, il est 17h, il organise le flash mob pour 19h avec mais pourquoi forcément un flash mob? Parce que c'est trop. Non, mais il peut faire un mélange de tout, voilà, tu sais, il regarde sur internet, non, genre tous les films romantiques. Comme les trucs à la Big Fish, tu vois, ou. Sinon, vous voyez Big Fish ou pas? Je l'ai pas vu, mais tu peux y aller. En gros, par exemple, je sais plus ce qu'il fait, mais je crois qu'il y a un moment où il coupe. Il plante plein de fleurs dans le jardin de la meuf et il les coupe de sorte à faire un dessin ou je sais plus à écrire un truc sur sa pelouse ou alors en faisant des nuages de fumée avec ça, un avion dans il fait ça mais il a un pot de fleurs tu sais que tu mets sur un balcon avec coup, une fleur du coup il faut que la meuf elle descende et qu'elle lise dessus ce qu'il y a écrit sur le pétale je t'aime épouse-moi ah putain avec non mais non tu sais E-P-O-U-Z M-O-A épouse-moi oui et après oui et donc elle dit oui en imitant quelqu'un oui c'est la mouette celle qu'elle sait le mieux le faire vous comprenez donc, qu'on n'est pas suffisamment fort en imitation pour en faire plein du coup on est passé vraiment que à des animaux Waf. C'est ça. Et donc. Du coup, il la récupère. Et il commence. Et le soir même, il, du coup, il y a le truc avec le pétale. La pétale. Ouais, ouais, où il y a écrit. Elle va bel et bien avorter. Il y a non, mais il écrit en tout, tout, tout petit un énorme paragraphe d'amour. Oui, c'est ce jour où je t'ai rencontré, mon cœur bat bien. Je développe et ça finit par. Et elle a accepté d'avorter. Non, mais ah, tu sais, il fait une vraie disserte. Vraiment... Un truc genre, et je vais t'expliquer pourquoi en trois parties. Premièrement. Oui, non, oui. Dans non. un premier temps. Non. Thèse, antithèse, synthèse. Depuis la nuit des temps. C'est ça, l'homme est depuis l'aube de l'humanité. L'homme est un loup pour l'homme. Et après, tu sais, il lui fait toujours le truc qu'on fait en sortie de cours de philo où tu sais, tu fais, hey, j'ai placé les Simpsons. Hey, hey, je suis un fou, moi. J'avoue, il fait ça à Philippe et Philippe s'en bat les couilles. Et là, et putain, mais ta gueule, moi, j'ai en train d'essayer d'écrire une nouvelle pièce. Moteur, moteur. Il dit aux gens dans la rue, tu sais, aux gens. C'est toi le perchman. Silence. Aux gens au supermarché dans la queue. Moteur, allez. Hop, on se dépêche. Allez, ça tourne. Et on est parti, action. J'ai envie de voir presque un spin-off. Non, sur un peu Philippe plus de, ouais. Un peu plus de punch. Philippe. Parfait. Excellent personnage, Philippe. C'est trop débile. Le mec. Metteur en scène de la vie. Tu sais quand t'es au supermarché. Alors mettez-vous plutôt par là, là. C'est vrai, ce serait vachement drôle quelqu'un qui fait ça. Toi, ouais. On va dire, tu prends des cornichons et et après toi tu passes à la caisse, un truc de fou, c'est novateur, tu vas voir. Mais j'ai pas envie de cornichons. Oh, c'est qui le réel? C'est qui le réel? Écoute, j'ai écrit. Eh, vous deux là, vous embrassez là, vous embrassez. On ne se connaît pas. C'est ma mère. C'est ma mère. Oh, bah, vous faites pas votre âge. Écoute, j'ai écrit ce personnage en pensant à toi dès le début. Et du coup, ouais, il écrit toute une histoire sur le pétale, elle le lit donc une demi-heure plus tard. avec une loupe. Elle arrive et fait oh, attends, je vais chercher la loupe. Une demi-heure plus tard, elle lui répond en ayant corrigé toutes les fautes. Moi aussi, je t'aime. Et là, il s'embrasse. Musique langoureusement. Avec des violons. Non, je pense qu'ils s'embrassent pas tout de suite. Tu sais, ah peut-être, bon. Eh, genre, finalité un peu stylée, tu vois, genre, c'est la représentation. Ouais. Et du coup, c'est ah sur oui. scène qu'elle lui fait. Attends, le truc du paragraphe, il lui fait sur scène. Elle doit arroser ses plantes et en fait, elle lit. Et il y a. Ah oui! Il y a vraiment marqué un truc d'une demi-heure et ça prend une demi-heure sur la scène. C'est ça. Et que du coup, le spectacle. Et il y a Philippe qui est là, il fait Nicole! C'est à toi, Nicole. Oui, alors là, tu dois dire. Ah mon Dieu, Nicole. Non mais c'est pendant la vraie représentation devant des gens. Oui, c'est ça. Et en fait, la représentation, elle commence mal puisque ça lui du fait coup, 30 minutes. Ils sont grave en froid. Ah, ouais. Et là, il lui passe le truc, il lui passe le pétale. Et là, t'as un plan en temps réel de 30 minutes dans le film de elle qui lit en très zoomé. Ah ouais, grave. Et ça peut être très drôle. Et du coup, avec Philippe qui fait, c'est à toi. Nicole, oh mon Dieu. Philippe meurt. Là, c'est Philippe Lachaud. Et du coup, là, genre, ils s'embrassent, le décor change pour être dans un aéroport. Et elle est toujours là, avec ses, en arrosant ses fleurs et à lire le truc. Toute la. Mais pourquoi il me parle des Simpsons? C'est ça. Et du coup, après, il arrive. Et ils s'embrassent au théâtre avec le décor d'aéroport. Et ils s'embrassent langoureusement et rideau. Et tout le monde applaudit en mode. C'était génial! Bravo! Wouh! Une autre! Nicole! Jérôme! Et là après. C'est qui? Après c'est le rideau se réouvre et ils sont en train de baiser sur scène. Ils sont en train de baiser, genre vraiment. Et le générique. Le rideau se referme vite, tu sais, genre oups. Ouais, c'est ça, genre. C'est il le mec s'ouvre qui... un peu et il fait. Oh le mec qui est censé l'ouvrir et le fermer, il s'endort et du coup il tombe de tout son poids. Donc ça ouvre le truc. Non, mais il se réouvre pour les saluts. Et en fait, ils sont direct en train de baiser sur scène et là c'est générique. Du coup. C'est pas mal. Ultra romantique. C'est pas mal. Ça s'appellerait comment, puisqu'on a toujours pas de titre. Hey, maintenant qu'on a un film. Jérôme Kerviel et Nicole Ferroni. c'est Jérôme Kerviel. Non, je sais pas. Le théâtre de l'amour. Ouais, pour un nom cul. Enfin, c'est des noms. Ouais, c'est ça. Foutu c'est pour des noms, foutu. Pension mal. J'investis dans l'amour. Ah. Bah la météo du Bitcoin. La météo de. De l'amour. La météo de l'amour. Ouais non. La météo de la bite. Bah la météo de la bite. Hein. La météo de la. Bah je suis désolé. Ça va cliquer. Ça bah voilà, la météo de la bite, c'est obligé, c'est ça, c'est la météo de la bite. Du putaclic, nous, avant tout. Bah ouais, non, mais ça fait 5 épisodes, on fait plus de vrais titres, hein, on fait que des titres de sexe. Bah oui, oui. La météo de la bite, ça fait, non, mais ça fait partie de la blague. Hein. La météo de la bite. La non, je sais pas si... Allez, la météo de la bite. Ouais, c'est obligé. Eh bah, c'était super. Bon, bravo. Ah là là. Pour se féliciter. C'est bon, on peut se casser, allez, à plus. Pour se féliciter, un on va. T'avais bien pensé à mettre rec ou pas? Merde les gars! Ah putain! Faut que je vous dise! Je suis en lecture depuis tout à l'heure en fait sur mon Pro Tools, ça va plus! Allez vas-y! Non mais non, attends! Non mais la vraie chanson, pas bon! Ah oui, pour je vais mettre une chanson d'adieu! Pour se féliciter! Goodbye my love! C'est... Et la chanson elle est très romantique! Ouais! Et pendant ce temps, du coup, on va faire. Ça s'appelle Tiroli Pimpon! Un petit dernier tour de table! Vous l'avez ou pas? C'est pas la vraie. Ah, tu vas être très sûr. Ah oui. Oh non, mec. Il est parti. Non, mais... c'est la première fois que je la vois. Non, non, mais non, mais arrêtez. Mais lui donnez pas une audience, les gars. Mais je savais pas, c'est Il y avait que 3 millions de vues, celle-là, quand même. Ah ouais. Il y a combien de postes? Alors, 6 millions d'abonnés. 180. Ah putain, ouais, il y a énormément. Mais ah, oui, je viens d'en mettre un. Ça avait... alors, du coup, pendant que Théophile fait mémus avec son ordinateur, on va pouvoir demander aux invités de se présenter une dernière fois, de savoir où est-ce qu'on peut les retrouver, etc. Je vais commencer par Tanguy qui est en face de moi. Et bah, du coup, moi je suis toujours sur le canapé, je n'ai pas bougé. Sinon, dans les projets, tiens, d'habitude je dis que rien, mais là ce coup-ci. Un petit truc, peut-être prochainement une petite ouverture de chaîne YouTube. Avec qui? Avec. C'est en cours. C'est en cours autour du cinéma et de quelques petits détournements de scènes cultes. Excellent! Si voilà. Yann m'a pas parlé de ça et qu'il en fait partie, je vais le frapper. Non, non, c'est pas avec Yann encore. Ok. Eh ben, formidable, et Louis. Ben, c'est et ça s'appellera comment? Je sais pas du tout, c'est vraiment, on est en train d'écrire le scénario du premier de la première idée qu'on les avait. Les petits films de Tanguy. Ok, c'est acté. Ce sera les petits films de Tanguy. Ok. Louis, les projets. Louis, l'homme le plus gilet. Les projets. Pas grand chose, à part que j'ai appris récemment que le film japonais dont je vous avais parlé. Ouais, il y a longtemps. Métrage, oui, je vous ai parlé il y a longtemps. Je ne risque de ne pas être payé pour ça, voilà. Je voulais chouette. Un coup de gueule. Quoi? Bah, trop super. Pas payé pour. Voilà, je vais me battre, mais bon, visiblement, ça part mal. Et je sais même pas s'il sortira un jour, ne serait-ce qu'en version MP4. Putain. Pour soutenir Louis, envoyez des bitcoins. J'ai ouvert un Tipeee, vous pouvez m'envoyer votre bitcoin. Et non, sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur l'Instagram LWK_Ludo. Ouais. Et pour voir les petites séances d'enregistrement qu'on fait au studio. Incroyable. Enfin, 2-3 trucs. C'est un peu drôle. Formidable. Voilà. C'est sacrément sympathique. Et toi, Antonin? Ah, ça me fait plaisir que tu me lances, Louis. Je te lance. Et ben moi, je continue mes petites aventures à droite à gauche. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai une chaîne avec Yann du coup qui s'appelle Production. D'ailleurs, j'ai essayé de la trouver, j'ai pas trouvé. Hein. Ah, il faut pas taper Production. ok. Y a pas excuse-moi, j'étais vraiment dans le truc. En fait, il y a trop d'abonnés. Il y a trop d'abonnés. Il y a pas assez d'abonnés. Faut taper Ninotna. Allez sur ma chaîne à moi qui s'appelle AnyGNotna Ninotna et allez dans les chaînes recommandées. Et il y a Production parce qu'il y a pas encore assez d'abonnés pour qu'elle soit bien référencée. Si, je suis déjà abonné en fait. J'avais trouvé en fait. Bah ok, tant mieux. Et donc j'ai toujours ma chaîne personnelle où je ferai de temps en temps des petits trucs, mais je suis pas sûr d'en faire de manière très régulière. Et en ce moment, pas grand chose. Hein. J'ai 2-3 petits projets à droite à gauche. Un projet, je vais le dire, de long métrage, mais je vais pas trop en parler. Et voilà. Mais tout se goupille. J'adore ce mot. Théophile. Oui, Théophile, qui découvre la blague de ma chaîne. Ah ok, c'est une blague. Oui. Okay. Tu crois que c'est vrai? Non, je croyais que c'était une erreur. YouTube qui met les chaînes en rapport, tu vois. Parce qu'il y a écrit North Korea Today. En gros, la seule chaîne recommandée de ma chaîne Production, c'est la chaîne officielle du journal de la Corée du Nord. Je trouve ça marrant. Okay. Donc Théophile, au lieu de parler de moi vous pouvez me retrouver sur ma nouvelle chaîne Pornhub que je viens d'ouvrir, Théophile fait du sexe. Théophile sexe. Théophile sexe, sexophile. voilà. C'est faux. Vous pouvez me trouver sur Twitter. Je suis très fatigué. Je pouvais me trouver sur Twitter @Théophile-AV sur mon compte de dessin. Instagram @no.reason.drawings et mon Instagram où je partage plus peut-être des photos perso de ma gueule. Allez. Théophile-AV avec des belles stories. Hier, je suis allé voir The Irishman par exemple de Martin Scorsese. C'était formidable. Avec Martin Scorsese dans la salle. Avec, il était dans la salle. Enfin, il était là au début. Et parce que le film s'est joué en live directement. Voilà, y avait c'était du théâtre. En fait. Ils ont appelé ça une pièce de théâtre. Ah une poule qui s'étouffe. C'est hyper drôle. Mais... Et n'oubliez pas d'aller voir Forrest Gump, car on n'a pas encore mentionné. Ah, yes, qui est un bon film. Une comédie romantique. Ah, oui. Qui est tout. Non. C'est la force de Forrest Gump, c'est ça. C'est tout ce que tu veux. C'est un film catastrophe également. Faux. On rigole et il y a de l'amour. Oui, il y a de l'amour. Super, il y a de l'amour. Un mot chacun pour terminer cette émission. Lampadaire. Je crois que c'est le même à chaque fois. Rhododendron. Ambidextre. Cac-cac-cac. Allez, à dans deux semaines. Non, mais vraiment, je suis super fatigué. Vraiment. Allez, je suis désolé. À dans deux semaines. À dans deux semaines. Bonne soirée. Quand ça? À dans deux semaines. Deux semaines? Deux semaines. Attends, dans combien de temps? Deux semaines. Dans deux semaines, on est le combien? Mais en fait, c'est faux parce que ça sortira jamais dans deux semaines. Mais par rapport à quoi? Parce que. Si, le prochain d'après. À partir de la semaine prochaine ou dans deux semaines? Non, dans deux semaines. Non, mais sachant que par rapport à aujourd'hui, si tu rajoutes 16 jours, plus 7 jours. À dans deux semaines. Ça fait deux semaines. Mais du coup, parce qu'on dit communément. On dit tous à dans deux semaines, mais en inspirant, pas en expirant. À dans deux semaines. Venez! Venez! Ça va être bien! Allez, salut! On est nounours! Bonne année! Tu couperas quand tu veux.